Voilà, ça y est, on a entendu. Voilà. Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce 44e numéro du podcast du collectionneur. Donc, Bozdik est là, vous l'aurez tous compris. C'est pas vrai, c'est bien rien fait. Pardon. Non, c'était pas moi. Il a été élu. Effectivement, c'est ici l'hospice. Ouais, c'est ça. Avec un lancement plus fluide et plus éclair que jamais, pile à l'heure. Ah oui. Pile à l'heure avec 3 minutes de retard. Ouais. Bah oui. Bon, c'est pas plus de 2 semaines de retard. Hein. Techniquement, si on se réfère à l'heure du soleil, il était 23h, 21h quelque part dans le monde. Ouais, c'est pas grave. On va pas chier une pendule, hein, comme on dit. Bref, ce soir, sur le coup, ce podcast estival. Oh, estival qui a presque une odeur de rentrée, allez savoir. On va évoquer notre histoire d'amour avec Capcom. Ah, quelle belle histoire. Étant donné qu'on a dit histoire d'amour, ça veut dire qu'on devra normalement pas en dire de mal. Oui, non, en plus, pour moi, c'est une vraie histoire d'amour. Véritablement. Hein. Ah, moi aussi. Hein, bah, après, c'est ça, ça commence... Ça s'entend, mais... Voilà, ça commence à chier dans la colle. Voilà, on aura pas le temps d'en parler. Ça, c'est bon. Voilà. Capcom voilà. Meilleur. Capcom Résident. et s'il nous reste un peu de temps à la fin, je vous raconterai un jeu. J'espère qu'il va nous rester du temps. Voilà, qui ne sera pas un jeu Capcom, je vous promets. Mais qui sera un jeu Master System. Enfin, pas non plus un jeu Master System, mais non. Mega Drive. Mega Drive. Ah, je suis déçu. Mais avant tout... Bon, on va ouvrir cette histoire de news, on va directement parler de manière à l'éluder le plus rapidement possible de l'affaire, entre guillemets, qui de la semaine. Déchaîne les, la blogosphère, la twittosphère et la Dieu sait quel autre machin sphère, qui est donc Nintendo qui a décidé de non pas de s'attaquer au site d'émulation, parce qu'on n'en est même pas là, qui a décidé de montrer les gros bras, voilà. On va dire. Mais ça a suffi, hein. Mais oui. Qui est arrivé, qui a fait bouh. Ouais, bouh à hauteur de 100 millions de dollars. Bah ouais, c'est un gros bout. C'est pas c'est peu, petit, ou ça dépend. Et sur le coup, ça a suffi donc à effrayer, Emu Paradise, donc ça a coûté la tête d'Emu Paradise pour l'heure. Donc la personne qui a créé le site il y a 18 ans a dit clairement que il arrête le site également de guerre lasse parce que bon voilà ça a représenté pas mal d'années de sa vie et il n'a pas les moyens ni financiers ni il n'a pas les reins pour de toute façon se battre contre des ayants droit qui sont de toute façon dans leur bon droit. Bon droit, voilà. Oui, alors ce qu'on peut peut-être dire, malheureusement, oui. C'est juste pour resituer, pour ceux qui ne sauraient peut-être pas, hein, c'est juste que Nintendo a commencé à taper sur les doigts des gens qui mettent à disposition des ROM de jeux Nintendo. Et quand on sait ce qu'ils font avec les ROM. Et voilà. Donc il y a des sites qui ont déjà fermé. Et donc, Emu Paradise, oui, ils ont arrêté. En expliquant que oui, ça fait 18 ans qu'ils font ça. Et ça fait 18 ans qu'ils reçoivent des menaces, machin et tout. Mais là, ouais, bon. Bon. Après, pour le coup, bon. On peut faire l'avocat du diable en disant que, bon, effectivement, s'ils ont décidé de taper, c'est parce que c'est leur jeu et tout machin. Mais d'un autre côté, il y a quand même un énorme problème d'hypocrisie dans cette industrie. C'est un peu, j'aime comparer ça comme ça, c'est un peu comme si dans l'industrie musicale, à chaque fois qu'on vous prend un nouveau format, on vous dit, faut tout racheter, faut que vous jetez votre platine vinyle, faut que tu jettes tes vinyles, faut que tu rachètes des CD. Les CD, c'est obsolète, faut racheter des MP3. Mais c'est comme si on fait ça, mais dans un intervalle très court, de 4-5 ans, pour les consoles. Et du coup, il y a un gros problème, c'est qu'il y a énormément de jeux qui sont pas ressortis. Et on va pas me faire croire que, on va prendre un cas très concret. Pour un collectionneur, combien il y a de jeux? Qui c'est qui tape comme ça au clavier? Je vais vous payer un clavier qui fait pas de bruit. Si ça s'entend, il faut que je baisse la sensibilité. Non, je déconne. Mais du coup, voilà, le truc, c'est combien de jeux on a découvert grâce à l'émulation? Oui, le problème, de toute façon, le créateur du site Emu Paradise l'a bien dit. Lui, au départ, il est d'origine indienne, c'est ça, si j'ai bien vu. Et il a créé le site au départ pour ne serait-ce que donner l'accès à ses compatriotes à des jeux auxquels ils n'avaient de toute façon jamais pu avoir accès durant les années 90, puisque pas distribué dans leur pays. Le problème que ça évoque pour l'instant, c'est que Emu Paradise, comme d'autres sites, Planète Emu aussi a viré les ROM 7 Nintendo. Le problème, c'est que dans leur façon de voir les choses, ils ont mis à disposition l'intégralité des jeux disponibles sur une machine. Et le problème, c'est que Nintendo aujourd'hui va pas faire des réclamations sur l'intégralité des jeux d'une machine, puisque c'est pas les seuls à posséder le droit des jeux sur une machine. Oui. Et donc, il aurait fallu, si ils avaient eu le courage, le temps et qu'ils gagnaient de l'argent avec ça, ce qui ne doit pas franchement être le cas tant que ça, qu'ils s'enlèvent du ROM 7 les jeux qui posaient problème pour ne laisser que les autres jeux qui ne pose pas encore problème à d'autres éditeurs, mais sous couvert qu'un jour, Capcom, Konami, que sais-je, se réveillent et leur disent exactement la même chose à base de « Attendez là les gars, ça, c'est, ce jeu est à moi bah, ». Et ouais, ça paraît très compliqué. Voilà, le problème, c'est qu'en voulant mettre à disposition l'intégralité, ils se sont mis à dos Nintendo, et aujourd'hui, plutôt que d'essayer de trouver des arrangements, ils préfèrent juste tout supprimer. Et j'ai envie de dire, quelque part, attendre aussi que la tempête passe. Je pense que c'est la meilleure solution, très sincèrement. Bah, le truc, c'est que tu peux pas négocier avec Nintendo quand t'es dans leur position. Non. Bah, et surtout qu'il y a une raison. Il y a une raison à ça. Il n'y a pas de secret. Alors, sait très bien pourquoi ils font ça maintenant, Nintendo. Hein. C'est pas anodin. Hein. Ils auraient pu très bien le faire il y a des années. Hein. Sauf que là, ils vendent des machines avec des ROM. Voilà. Si tu supprimes toutes les ROM, le seul moyen d'avoir accès à certains jeux, c'est d'acheter leur machine. Non, mais je pensais que tu allais parler du mois prochain avec. Ils sont de toute façon, les jeux offerts dès le mois prochain aussi avec leur. On parle de quoi là ? On parle de 10 jeux NES qui vont se battre en duel, ça va. C'est pas ouf non plus. Non, je pense surtout que la Virtual Console et le fait de pouvoir vendre des mini-machines avec des ROM dedans, et ça se vend à des millions d'exemplaires. Mais pour le coup, elles viennent de où leurs ROM ? On en a parlé dans un précédent podcast. C'est ça le problème. Ils n'ont même pas dumpé eux-mêmes leurs jeux. Bah, c'est comme que tu demandes à quelqu'un de faire ton travail à ta place et après tu lui mets une balle dans la tête. Voilà. Ils se sont servis et ils essaient de faire fermer les sites. Mais on sait pourquoi ils ont le droit de le faire. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Tu vas toujours trouver une excuse. Mais oui, non, mais après la façon de faire n'est pas bonne. Mais... Après, pour le coup, bon, ils sont dans leur bon droit, on est d'accord. Mais par contre, ça pose quand même un petit problème pour ce qui est de la conservation d'une grande partie de notre culture. Quoi. Du patrimoine, mais... employés. Oui. Bah ouais, Mais après, c'est un problème. Hein. Ils s'en foutent, ils ne sont pas capables de garder eux-mêmes leur jeu. Le nombre de ROM et des PROM qui ont disparu et qu'ils n'ont plus, c'est aussi pour ça qu'ils vont les récupérer ailleurs. Préservation du patrimoine, ils n'ont plus là. La majorité des studios n'ont rien gardé. Squaresoft, ils sont très très forts pour ça. Ouais, mais tu sais, moi, je ne suis pas certain que Nintendo et eux aient tout perdu en réalité. Parce que tu sais, avec la Super NES Mini, avec les titres qui étaient ressortis, ils avaient quand même le Star Fox 2. D'origine. Effectivement, c'est logique qu'il l'ait gardé puisque le jeu ils l'ont pas commercialisé. Il a bien fallu qu'ils en gardent une copie quelque part. Bah oui, mais voilà, ça veut dire que Nintendo. Mais je suis beaucoup mieux leur jeu que les autres. Hein. Je suis étonné qu'une entreprise comme Nintendo, dont les origines remontent à 1889, les mecs ils ont pas d'archives. Non, j'avais vu un reportage. Oui, il y a quelqu'un qui expliquait qu'il travaillait dans l'industrie, expliquait que tous les gros constructeurs, Nintendo y compris, ne gardaient pas. Et les Japonais, en général, gardaient assez peu, en fait, des traces des jeux qu'ils avaient faits. Ouais. Ça disparaissait assez régulièrement. Et je l'ai déjà dit, Squaresoft, ils sont très très forts pour ça. Ah oh bah oui. FF9, il a disparu, hein. Ils n'avaient rien gardé. Et c'est propre à pas mal de boîtes japonaises. Donc la préservation, je pense que... On va prendre aussi un... le truc qui les intéresse le plus. Pour prendre un autre cas de figure, d'un point de vue conservation, il y a des jeux chez Nintendo qui sont perdus depuis 15 ans, 20 ans, voire plus. Je parle des jeux sur Satellaview. Au point que même en version ROM, il y a des jeux on ne sait pas où ils sont. L'an passé, il y a, je crois qu'on en avait parlé dans le podcast, il y avait un jeu, une série de mini-jeux Kirby qui avait réapparu. Ouais. Ah ouais, tout à fait. Ah ouais. Voilà. Et quand on voit combien certaines personnes sont prêtes à payer juste pour dumper la ROM, on se dit, il y a quand même... Voilà. Si d'un autre côté, on empêche les gens de découvrir ces jeux 20 ans ou 30 ans après, moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Ces trucs ne sont pas commercialisés. Oui, mais du moment qu'ils pensent pouvoir se faire de l'argent dessus... Voilà, évidemment. Mais là, on parlait ça, de... Voilà. Et tu sais comment ils fonctionnent Nintendo, hein. Nintendo, je pense qu'en voilà. matière de procédure, font partie des pires. Ah oui, ils peuvent très bien ressortir une NES Mini nouvelle avec, avec des nouveaux jeux. Bah, ils l'ont fait avec la Jump, ouais. Ils l'ont voilà, fait et puis ils peuvent très, oui, voilà, déjà, c'est vrai. Et ils peuvent très bien, là je reviens quand même sur le Nintendo Store là, qui va arriver bientôt sur la Switch. Plus, ouais, évidemment, il n'y en aura que 10 au début, mais ils vont forcément le grossir, mais très régulièrement. Ah, ça va être facile pour eux maintenant. Je ne sais pas, parce que moi, aux dernières nouvelles, ils n'avaient pas prévu de console virtuelle sur Switch. Hein. Bah, ils ont toujours ils avaient juste les jeunesses qui tireraient pour ceux qui payaient online. Mais je n'ai pas entendu parler de consoles virtuelles sur Switch. Moi non plus, mais je pense que les consoles mini, ce n'est pas la dernière. Je pense qu'il y a une idée derrière la tête. S'ils ont fait ça, c'est que derrière... Bah, alors, voyons autrement. Il y a quelque chose. Ok. D'un point de vue technologie, ça va leur coûter combien de faire un système, voilà ce qu'on appelle les systèmes mono-chip, donc un système intégré dans une puce, pour émuler la Nintendo 64 correctement? Ça va leur coûter bonbon. Et avec quelle manette? Tu vas mettre dedans les manettes avec les six analogiques pourris que tu pètes en moins de deux et qui ne reviennent pas au centre? Non, mais ils ne peuvent plus la faire la 64 Mini, vu qu'ils ont fermé les sites de ROM. Voilà, à moins. Alors pour faire l'avocat du diable, peut-être qu'ils ont tout pompé avant. Puis après, ils se sont dit, on fait tout fermer, comme ça, voilà. C'est mafieux, ça c'est le système mafieux. Ah ouais, mais tu te sers, tu mets dans la tête, et après les gars, on est d'accord, les avocats de Nintendo, c'est pas Lionel Hurtz, c'est les avocats de Monsieur Burns. Ils savent très très bien ce qu'ils font. Voilà. S'ils ont tapé maintenant, c'est que derrière il y a quelque chose. Ça fait des années que les sites sont. Ouais, moi, je tiens juste à dire un petit truc. Je fais partie quand même des gens qui sont déjà absolument pas convaincus que Nintendo se sont servis sur les sites de ROM. Il y a les preuves, hein. Moi, je suis désolé. Il n'y a pas de preuves du tout. Un dump, il est identique au pixel près, quel que soit le jeu. Je suis d'accord avec lui, c'est possible. En disant bonjour, ça a été téléchargé sur un site de ROM. Ça, c'est... Le problème, c'est que Nintendo n'a jamais voulu communiquer dessus aussi. Ça a arrangé certaines personnes de faire croire aux gens que les ROM avaient été téléchargés sur des sites illégaux. Je suis pas ultra, mais enfin, c'est pas ça le plus gros souci. Le plus gros problème, c'est que comme on parle de, enfin, conserver le patrimoine et découvrir des jeux, tout ça, mais ça, c'est des choses qui n'ont pas de sens aujourd'hui. On est dans une société ultra libérale, ultra consumériste, et enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Conserver un patrimoine, ça veut rien dire pour une entreprise. Rien du tout. Ouais, mais c'est pour ça qu'ils le font pas. Enfin, tu dis c'est les Japonais, mais c'est pas question de que les Japonais, c'est que les Américains sont beaucoup, ils gardent beaucoup plus de traces. Nous, en tant que passionnés et en tant que collectionneurs, on a envie de faire découvrir ces jeux, de les découvrir et de les garder. Mais pour une société qui comme Nintendo, qui aujourd'hui, donc on le voit, ce qui s'est passé après le 3 et tout ça, vogue tant bien que mal sur les mers de la bourse et est en train de serrer les fesses pour que sa Switch fasse un aussi gros carton que sa Wii. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils en ont à foutre des jeux Satellaview des années 90? Non, enfin, c'est pour ça que quand ils font fermer, c'est que derrière, il y a une volonté de faire de l'argent dessus. Ils savent très bien ce qu'ils font, ça fait des années qu'ils sont là. Le problème, et on a eu le débat avec Pell, c'est que le jeu vidéo au Japon n'a jamais été considéré comme de l'art ou comme un patrimoine ou comme une forme artistique d'expression. C'est juste un produit de consommation. C'est pour ça que je te dis qu'eux, regardez leurs trucs, ils s'en foutent. Et toutes les entreprises japonaises de jeux vidéo sont comme ça. Elles ne gardent rien. Là, une entreprise américaine gardera beaucoup plus de trucs, ou même en France, on gardera quand même des ROM, des épreuves. Le Japon, ils ne s'embarrassent pas à ce genre de trucs. C'est pour ça qu'il y a masse de jeux qui sont perdus là-bas. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'adaptation, que les adaptations PC, c'était compliqué pour Squaresoft, pour les FF, de ressortir certains jeux. Parce qu'ils ne gardent pas. Nintendo, ils font pareil. C'est pour ça que ce n'est pas déconnant de croire qu'ils sont capables de récupérer les ROM pour ensuite aller les revendre. Non, après, effectivement, on n'est pas vraiment sûr. C'est que des spéculations. Je vais m'énerver. Ce n'est pas une spéculation. Il y a quelqu'un qui l'a démontré. Il y a une conférence d'une heure. Allez sur YouTube. Vous voulez le lien ? Je l'ai. Voilà. C'est pas. C'est, après, on peut très bien pas croire aussi ce qui est dit. Hein. C'est pas un problème. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est. Voilà. Pour le coup, c'est pas une rumeur. T'as dans les ROM un truc qu'on appelle un header. Si le header il est identique à une ROM pirate et que le reste du contenu il est identique aussi, bah, ça veut dire que c'est le même jeu, c'est tout. Non ? Non, parce que le header contient des informations aussi sur la personne qui l'a créé. Merci la ROM. Sur qui l'a dumpé ? D'accord. C'est quand tu crées ton header, tu peux mettre ce que tu veux dedans. Et il y a des trucs qui sont notamment utilisés sur l'émulateur NES actuel, enfin ou non iNES, enfin bref, je sais plus. On retrouve sur les ROM. Alors c'est pas de la NES Mini, par contre c'est les ROM, c'était les ROM du WiiWare, mais c'était un jeu de Virtual Console et c'était un Mario, il me semble. Mais non, voilà. C'est tous les jeunes, je crois. Ok. Mais en tout cas, ça avait été démontré avec le cas de Super Mario Bros. Effectivement. Après, je suis de loin. Moi, c'était plus pour troller que je disais ça, mais oui, si. On en avait parlé, il me semble, lors d'un podcast, et je crois qu'il y avait eu un article aussi sur le site. En tout cas, pour ne pas passer la soirée dessus, juste une petite note un peu plus optimiste, entre guillemets. Le fait que des sociétés s'attaquent à des sites de ROM, ça a toujours été le cas depuis que l'émulation existe. Là, je me souviens particulièrement au tout début des années 2000, le nombre de sites qui sont tombés déjà à l'époque parce qu'ils proposaient des ROM. C'est impressionnant. Les sites tombaient les uns après les autres au début des années 2000. On était dans une période où les constructeurs avaient fini par fermer les yeux et laisser faire. C'est ça. C'est en train de se redurcir à nouveau. Ça ne veut pas dire que dans 6 mois ou dans un an, ou dans 2 ans, si ça se trouve, on arrivera à retrouver des ROM de manière tout système. Ça se trouve, dans 10 jours, il y a un site qui va émerger avec des serveurs, Dieu sait où, sur Terre, qui va proposer des ROM 7 complets. Les gens parlent aussi, évidemment, du peer-to-peer qui fonctionne encore très bien pour ce genre de choses. Oui. Pour ceux qui osent encore utiliser. Oui. Nintendo est bien gentil avec ce genre de truc, mais quand tu vois des annonces sur eBay où t'as un type qui te vend une micro SD de 32 gigas bourrée de ROM. Voilà, moi je veux bien, tu vois, entre un site qui, quelque part, a sans doute pas fait un centime depuis 18 ans, et un connard random sur eBay qui a 462 ventes et qui te vend ça 31$, bon, bah voilà, t'as un type qui en fait son commerce et d'autres non. Oui, mais ils réagissent en fonction du nombre de personnes qui va télécharger une ROM. Si t'as 2 millions de personnes qui téléchargent un jeu, pour eux, le manque à gagner, il est là. Ils se disent, c'est 2 millions de personnes qui achèteront jamais rien. En oubliant que la majorité du temps, une bonne partie des gens qui téléchargent n'achèteront peut-être pas le jeu sur... Pour faire une analogie... Pour faire une analogie, j'ai l'impression que Nintendo, il nous fait son Metallica au début des années 2000 avec Napster. Oui, non, mais après, là, il y a une raison. Ils vendent des ROM, Nintendo. Là, ils vendent des ROM. Alors que dans l'absolu, Metallica sont passés pour des gros connards. Mais ils avaient tout à fait raison. L'industrie de la musique n'a pas arrêté de changer. Aujourd'hui, des artistes gagnent beaucoup plus d'argent en faisant des concerts qu'en vendant des disques. Ils étaient juste un poil en avance sur leur temps et ils l'ont fait de manière un peu trop agressive. Cela dit, on peut pas dire que Metallica non plus n'était pas dans son bon droit à l'époque. Malheureusement, c'est leur business. C'est voilà quoi. Ils font des disques, ils les vendent. C'est difficile de dire ils sont en tort. Après, c'est la manière de faire. Qui des fois est pas bonne. Après, pour le coup, on connaît aussi qu'une seule version de l'histoire. On connaît que la version de l'histoire dont le type a son site, il a fermé où il va fermer. Il y a beaucoup de sites qui ont. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu un communiqué de presse de la part de Nintendo, rien du tout. Nintendo ne fera jamais. Ça n'existe pas. Donc, pour le coup, c'est compliqué, parce que si vraiment on veut se faire un avis... On peut parler d'AM2R. Hein. Ouais. Ils n'ont pas fait de communiqué. Hein. Ils sont allés, ils ont tapé, ils sont repartis. Point. Nintendo, ils fonctionnent comme ça. Ils viennent, ils cassent les dents, ils repartent. Tout ça pour dire pour pas passer la soirée dessus, parce que c'est déjà 9h20, il y a une autre analogie moi qui m'a beaucoup touché il y a quelques années, c'était lorsque Mega Upload a fermé Les gens, bon, beaucoup de personnes se sont félicitées de la fermeture de Megaupload parce qu'évidemment, ouais, ils sacralisaient tout ce qui était piratage de tout ce qui est en particulier film. Et dans l'histoire, il y a un site qui est tombé, qui était un petit site français où des passionnés ils faisaient des trucs absolument dingues. Ils allaient chercher la meilleure qualité possible qu'ils avaient pour des films jamais sortis en DVD en France. Ils ripaient des VHS. Ils synchronisaient le son sur des DVD rip sortis dans d'autres pays pour arriver à nous offrir des films qui sont jamais sortis en DVD. Je parle notamment à The Wizard, Elvira, des films comme ça. Et ce site-là était hébergé exclusivement chez Mega Upload. Je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelait. Il est tombé dans l'affaire. Ils proposaient des films qui n'étaient même pas vendus en DVD et qui aujourd'hui... Ah non, des films des années 20, des films des années 30, voilà. il y avait de vrais, véritables... Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est dommage, et c'est ça le souci, et j'espère, oui, qu'on va continuer à s'échanger ces choses qui, même si ça n'intéresse pas un très grand nombre de personnes, même si la majorité des consommateurs n'en ont rien à faire, qui est quand même des passionnés qui continuent à s'échanger ces fichiers. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, avec les réseaux sociaux, avec toutes les possibilités qu'on a de se mettre ensemble, de communiquer, de s'envoyer des fichiers, et avec surtout l'avènement de la fibre optique de manière plus grande, je veux dire par là, aujourd'hui, demain, s'envoyer un ROM 7 complet, ça va prendre un claquement de doigts. Ben, honnêtement, c'est déjà le cas avec certains trucs. Alors après, pour le coup, bon, certes, je ne sais plus comment il s'appelait ce site d'ailleurs, qui a fermé, enfin qui va fermer. Ah zut, c'est New Paradise. New Paradise, voilà. Mais archive.org est encore là, et je viens de taper au pif, hein, archive.org, ROM Nintendo, t'as le ROM 7 complet, 3538 jeux. Mais en plus, Emu Paradise, ils ferment leur truc pour télécharger. Enfin, ils vont fermer, c'est tout. Ils gardent le côté musée, ouais, la base de données reste. Toujours là. Et j'ai reçu un mail de Twitch qui me dit que ma chaîne est bannie parce que j'ai parlé de Archive.org. Non. Avec Twitch, franchement, faut faire gaffe. Hein. Je déconne. Enfin voilà. Mais oui, ouais, ça fait chier, mais s'il faut dire, c'est ça fait chier, mais ça repousse pas. Voilà. Après, quelque part, c'est une tempête passagère. Ça va revenir d'ici quelques temps. J'en suis plus que convaincu. Non, mais après, oubliez pas, Nintendo, ils aiment bien montrer leurs muscles. Ils ont toujours fait ça, ils feront toujours ça. C'est... Ouais, et quand ils seront occupés à autre chose. C'est ça. Voilà. Quand ils se seront aperçus qu'on ne peut pas vendre indéfiniment des mini-consoles avec des ROM différentes. Alors, cela dit, c'est quand même pas demain la veille, parce que vu les chiffres des ventes de NES Mini aux États-Unis, on sait très bien que ça va continuer. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Les gens se continuer à se jeter dessus comme si c'était la huitième merveille du monde. Bah, en même temps, comment dire, ils ont tellement fait chier à... il y a un an, il y a deux ans, avec cette histoire de console qu'ils ont foutu sur le marché et que personne n'avait. Les gens sont passés à autre chose, mais ils se sont dit, dès l'instant où on va le trouver, ce machin-là, on va jeter dessus. Et le problème, c'est que maintenant, t'en trouves partout. Quand on sait que ça arrive mieux à se vendre que la Switch, le problème, c'est que tout le monde l'a acheté là actuellement. C'est que dans tous les supermarchés auxquels j'ai été ces 15 derniers jours, j'en ai vu partout. Ah ouais, non, mais ils ont fait un restock, il y en a effectivement de partout. Ouais. Ouais. Et il y a même des magasins qui les soldent. C'est genre à 49€ au lieu de 59. Bah ouais, en même temps, beaucoup de gens en ont acheté, donc. Ouais. Mais bon, à la limite, tant mieux. Un produit, dès l'instant où il est disponible à tout le monde, c'est mieux. Bon, on a fait encore un grand encart Nintendo. Passons au reste des news. Wait and see. Voilà, donc rapidement également des news, parce que vous êtes habitués maintenant, vous attendez qu'on vous en parle toutes les semaines. Des news de notre ami Billy Mitchell. La saga. Non, mais non, rigolez pas. Non, tout le monde a droit à une rédemption. Mitchell est en train de se rédempter, peut-être. Et donc, sur le coup, il a créé une chaîne Twitch. Maintenant, on le voit jouer sur sa borne en direct. Il a claqué le 1 million à Donkey Kong, ce qui est quand même pas non plus donné à tout le monde, malgré tout ce qu'on a dit sur lui. Ça va. Voilà. Le chemin sera peut-être long et compliqué, mais il est en route pour sa rédemption. C'était assez rigolo, ce stream, parce qu'il dit... le titre du stream, c'était en gros Road to 1 million, tu vois. Ouais. Et il a fait 1 million tout pile. Il s'est arrangé pour faire un million de tout pile, et après il a lâché le stick, il s'est barré. pour info, je graine le jeu depuis quoi, une semaine, 10 jours. J'ai réussi à faire 55 000 hier, j'étais super content. Ah ouais, d'accord. Mais un million, c'est fou. Ah oui, non, voilà, parce qu'en fait, hein. Voilà, il a. Bon, je pense, je fais partie des personnes qui pensent qu'il a quand même mitonné sur ses scores et tout. Par contre, ce qu'on oublie quand même, c'est que le mec sait quand même jouer au jeu. Voilà. Bah oui. Il faut quand même lui rendre ça. Après, c'est un monsieur qui est pas très gentil. Son comportement, et voilà, ça c'est. Voilà. Par contre, il sait jouer au jeu, ça on peut pas lui enlever. Après, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il a sans doute vu d'autres personnes avoir des records un peu bizarres. Il s'est dit, puisque eux le font et qu'ils ne se font pas gauler, je vais le faire aussi. Sauf que, ben, des années plus tard, ça s'est un peu retourné contre lui. Ah oui, non, mais attention, moi, je veux lui donner aucune justification. Hein. Je veux juste dire qu'il a fait de la merde, aussi. Mais que là, il joue bien. Voilà. On en parlera sans doute après. Il y a une autre personne sur Twitch qui stream le jeu assez, quasiment tous les jours. Hein. Je le suis depuis un petit moment. Je regarde un peu ses stratégies. Bah ouais, tu vois en fait que il y a une différence entre les mecs legit et ceux qui ne le sont pas, quoi, malheureusement. Il s'appelle Lekman421. Voilà, cherchez le nom. Sans transition, parce que j'ai pas envie. Des petites nouvelles de Homebrew, puisque vous savez que donc à l'heure actuelle, c'est très tout à fait la mode de sortir des jeux sur des consoles obsolètes, avec deux nouvelles cartouches pour une télévision. On rapporte MO5. Ah ouais, c'est fait loin. Oui. Sea Venture, qui est un portage de SeaQuest. SeaQuest, c'est quoi déjà? Ça me dit quelque chose. Un jeu sur Atari 2600. Ouais, non, mais voilà. C'est quoi? Attends, mais j'essaie de me souvenir ce que c'est, parce que pour le coup, j'ai un trou de mémoire. Ça me dit quelque chose. Ah oui, d'accord, oui, le jeu avec le sous-marin jaune, oui, effectivement. Et le second, c'est The Secret Government Waffle Project. Wow. Voilà, un nouveau jeu original. Le titre me plaît. Il y a des gens qui font encore des jeux originaux sur une télévision. Ah, alors, on t'entend plus du tout. Ou c'est que moi? Ah. Allô? Ah, c'est en fait moi j'entends. Enfin, Discord fait la même chose. Nous sommes de retour. Ah non, c'est pas bien, j'ai changé de serveur. Merci Discord. Ouais, c'est ça. Nous sommes donc de retour. Ok. Bon retour les enfants. C'était une époque où, comment dire, à l'époque, la télévision c'était entre l'Atari 2600 et la Coleco d'un point de vue puissance. Mais t'as énormément de jeux qui sont sortis dessus qui étaient au mieux une version Atari 2600 avec des couleurs en plus. Donc pour le coup, il y a pas mal de choses à aller voir. Et j'ai même entendu dire récemment qu'à une certaine époque, ils essayaient de faire un système un peu comme les fameux jeux en laserdisc qui étaient sortis par Sega en arcade. Bien, tu vois ce que je veux dire peut-être. Oui, d'accord. Ouais. Voilà. Ils voulaient en fait faire un système comme ça, mais avec l'intellivision. Et en fait, ça s'est cassé la gueule parce que ça a coûté trop cher en fait. Voilà. Et au niveau Homebrew, une autre sortie, le fameux Tanglewood que les gens ont attendu fort longtemps. Oh. Il est sorti donc ça y est sur Mega Drive et qui était également disponible sur PC et Mac si vous voulez vous y essayer. Et qui sera porté sur Switch aussi apparemment. Ah ouais. La Switch l'aura plus rapidement que les gens qui ont battu pour les Mega Drive. Les gens qui n'assument pas leur truc, là, ça m'énerve. Ouais. Ah, on sort le jeu sur Mega Drive. Je pense à Pierre Solar. On sort le jeu sur Mega Drive. Ouais, mais on va aussi le mettre sur Steam, parce que voilà. C'est quelque part. Parce qu'il faut rentabiliser derrière. Ouais, c'est pour troller. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. Hein, mais, histoire de non, troller. Mais c'est vrai. C'est l'inverse de Mighty No. 9. Ben oui. Elle est où la version 3DS? Ah. Je peux pas dire ça en direct. Je le pense très fort, mais je ne peux pas le dire. Voilà, non. Tu peux dire. Non. C'est dans ton cul, il voulait dire. Ouais. Non, mais. Ah, mais. Ouais. Bon, enfin. Mais oui. Tanglewood est enfin sorti après combien d'années? Mais je pense. Ça fait pas mal de temps. Hein. C'est pas compliqué, le podcast existe depuis 3 ans. Je crois qu'on en a parlé déjà à 3 ans. Mais vous savez que si ça se trouve, Monster Boy va finir par sortir aussi. Hein non, non. C'est d'Arlésienne. Et encore plus fou, peut-être que Paprium va sortir. Non, là, vous déconnez. Je pense très fort à Urguril si tu nous écoutes. Paprium, je pense très fort à moi, en fait. Et à Pixel Boy aussi, si tu nous écoutes. Et Shenmue 3, alors. Un petit coucou à Urgu, oui, c'est vrai. Voilà, Paprium. Ça, c'est vrai. Mais parce que là, il dit, Water Ballon, il leur est arrivé des trucs, mais j'ai l'impression qu'ils nous la mettent un peu à l'envers aussi. Bah, c'est surtout qu'ils refusent de répondre aux gens sur Facebook. J'ai deux trois contacts messages. Et ils répondent toujours. Ils répondent jamais à ces gens-là, mais ils répondent aux gens qui sont gentils avec eux, tu sais, qui leur disent ouais, j'aime bien votre jeu. Ouais, merci. Ouais, mais dès que tu poses une question, il n'y a plus personne. C'est un jeu que j'ai acheté il y a un an, mais que vous ne dites toujours pas quand il va sortir. C'est... Voilà, mais là, ils ne te répondent pas. Si tu dis juste j'aime bien votre jeu, ils te disent ah, merci, c'est gentil. C'est la même équipe, c'est la même équipe qui gère le Kickstarter à t'arriver CS, c'est ça, non ? Non, ils sont tous potes entre eux, tu sais. Ah oui. Mais oui, Paprium, bon. Effectivement, il sortira un jour. Ouais. Bon, et toi, Monsieur Chou, t'as vu donc des cabinets d'arcade ? Ouais, les cabinets. Ah, on a perdu Mosdick. À construire soi-même, c'est ça ? En fait, dans des grosses enseignes aux États-Unis, genre Walmart, GameStop et je sais plus quoi, GameStop aussi, effectivement. On va pouvoir trouver, apparemment, c'est censé être dispo à partir de la semaine prochaine, des bornes, il y a différents modèles, y compris une borne, c'est raccord avec le sujet Street Fighter, donc vous avez Champion Edition, Super Street et Super Turbo dans la même borne, avec un écran LCD de 17 pouces, avec une belle déco qui déchire bien. C'est des bornes au format 3 quarts, donc pour le coup, vous pouvez jouer assis tranquille. J'ai vu des reviews sur YouTube, elles ont l'air vachement bien. Il y a différents modèles, alors après attention, hein, il y a des trucs qui sont un peu contestables. Il y a une borne astéroïde, avec dedans, il y a Major Havoc, Lunar Lander et Tempest. Et alors je me pose la question... Comment ? Et pas astéroïde. Si. Ah si, il est dedans quand même. Non, tu cites trois jeux et pas le... Je dis bien. Non, c'est la borne déco astéroïde et il y a trois autres jeux avec. D'accord. Alors, je me pose la question, c'est apparemment des jeux, enfin surtout astéroïde et Tempest, qui se jouent avec un spinner. Ah oui. Alors du coup, je me pose la question de la qualité du spinner qui est à l'intérieur. Pour info, là, je suis en discussion avec mon cousin pour voir comment on peut... créer un peut-être un bar top d'ailleurs autour de tout ça, et on se pose des questions parce que rien qu'un spinner de qualité c'est un coût de 100-150 euros. D'accord. Non, c'est pas ça bien. Tape. Alors il y a un autre modèle qui est Rampage, donc la déco Rampage, et dedans il y a Gauntlet, Joust et Defender, ça se respecte. La borne Centipede, où il y a donc Centipede, Missile Command, Crystal Castle et Millipede. Alors pareil, il me semble que ces quatre jeux se jouent avec un trackball. Alors là, je m'interroge aussi sur la qualité de ce qu'il y a dedans. Mais voilà, donc pour l'instant, il y a quatre modèles. Sur le site qui s'appelle Arcade One Up, vous avez un sondage qui a été ouvert où vous pouvez voter pour la borne que vous voudriez voir pour l'instant. Alors attention, hein, j'ai vu que sur le site, dans le sondage, il y avait Donkey Kong. Vu ce qui se passe avec Nintendo en ce moment, ça m'étonnerait qu'ils donnent le... Monsieur, comment dire, l'autorisation pour faire une mini-borne. Bon, en tout cas, voilà, elles sont stylées, ça devrait arriver bientôt chez l'oncle Sam. Espérons que ça arrive un jour chez nous. J'ai vu comment ça se monte en une demi-heure, ça a l'air assez stylé. Pour ceux qui n'ont pas envie de construire un bar top, s'ils ont peur de mettre les mains dans le cambouis, faire des câblages et tout machin. Là, ça peut être une alternative sympa. Le meuble est cool et apparemment, j'ai vu qu'il s'est vendu séparément un espèce de socle en bois qui permet de redresser la borne. Et pour le coup, vous pouvez jouer debout et non plus assis. Donc ça transforme une borne 3 quarts en une borne taille réelle. C'est assez stylé. Arcade One Up, ça s'appelle. Voilà. Et j'ai dit le prix, peut-être, non ? 299. Okay. Merci Marise. Donc voilà. Bon, sur le coup, d'autres news ? Point d'interrogation ? Oui, Monsieur Chou, il a une news 1664. Oh, c'est Bosdi qui me l'a passé, c'est pas moi. Oui, mais c'est à toi. C'est donc il y a encore un petit homebrew qui s'appelle Mono, qui est c'est un shoot, je crois, c'est ça, hein ? Ouais. C'est un shoot. C'est un shmup, ouais. Voilà, donc ça sort en cartouche pour un prix, c'est quoi ? C'est 35 balles et 5 euros de frais de port. faut voir ce que ça donne. J'ai vu vite fait des images du jeu. Ça n'a pas semblé exceptionnel, mais les musiques étaient quand même assez sympas. Sinon, une autre news pour ceux qui ont acheté la Retron 77, qui est donc une console à base d'un... Il y a un émulateur Atari dedans. Donc voilà, c'est un peu particulier comme machine. Il y avait un souci où on pouvait mettre qu'une seule ROM à la fois. Et nos amis de chez AtariEdge.com ont fait un community build. Donc maintenant, on peut mettre toutes les ROM que l'on veut. Mais il y a toujours des problèmes de compatibilité que pour l'instant, ils ne peuvent pas résoudre. Ce qui voudrait dire qu'ils devraient porter la version Stella. Stella, c'est le nom de l'émulateur. Ils devraient le porter vers une version 3.9.3. Ce qui est pour l'instant pas le cas là, dans la console. Ils n'ont pas trouvé comment faire ça sans tout casser. Et je pense que niveau news... J'ai plus rien. Non, j'ai plus rien. C'est tout pour le moment. Voilà. Bon, attendons. Petit passage, notre petite rubrique shootout. Moi, je voudrais rapidement parler d'un, si vous le permettez, hein, de quelqu'un, si jamais les gens tombent dessus sur Internet. Au cas où les gens ne sachent pas, le speedrun de Super Mario Odyssey en 90% est très très disputé. Où on a en gros le Belge Suisaiga, l'Américain Lil Kirps et le Canadien Nick Roveda, qui sont à l'heure actuelle les trois premiers et qui se tirent la bourre pour savoir qui va passer premier depuis des semaines, en se passant les uns devant les autres, etc. Moi, je voulais juste parler de Chaos Pringle. Chaos Pringle, c'est qui ? Chaos Pringle, c'est le quatrième. C'est le quatrième qui a toujours été quatrième et genre qui n'a jamais été dans le top 3, vous voyez ? Et pourtant, il a toujours été aussi quatrième. Genre, il est bon, le gars, mais... les autres sont meilleurs. Il passe son temps à se faire manger par les trois autres. Et pourtant, il est bon, il est agréable à regarder. Donc, si jamais vous tombez sur un de ses streams, Chaos Pringle, il s'appelle, il joue sur la 1.0, comme tous les meilleurs joueurs à l'heure actuelle. Et il essaie, tant bien que mal, il est que... Donc, ils sont que ces quatre-là à avoir terminé le jeu pour l'instant en moins d'une heure et deux minutes. Ouh. Et il tente, il essaie, il est à 9 petite seconde de Nick Roveda et il aimerait bien briguer le podium. Voilà. Ouais. Merci, monsieur Biron. C'est fou, ça. Est-ce le que quelqu'un, d'or est-ce de que Mario quelqu'un, Est-ce que quelqu'un a autre chose à dire sur le shootout ? Je suis d'accord. Petite chaîne YouTube qui s'appelle John's Arcade Game Review and Tech. C'est donc un YouTuber américain qui achète des jeux d'arcade pété, mais mort, genre sur Craigslist, des trucs comme ça, et qui les restaure. C'est assez bien foutu, il explique des fois comment il fait pour lire un schéma, des trucs comme ça. C'est des fois des vidéos de 2 heures, donc faut regarder ça quand on a le temps, voire en plus. Oui, et qu'on n'a pas envie de dormir. Ah ouais, parce qu'il y a certaines parties de ces vidéos qui sont un peu chiantes. Je me doute, oui. Mais voilà, pour le coup, c'est sympa, j'ai même découvert des trucs assez stylés via sa chaîne. J'avais découvert sa chaîne quand l'an passé, il avait restauré un jeu qui s'appelle Computer Spaceball, qui est en fait un Pong fait par Nutting Associates, donc ceux qui avaient commercialisé Computer Space. Donc Computer Space était le premier jeu de Bushnell et Ted Dabney avant de créer Atari. Enfin bref, voilà. Donc j'avais découvert en fait sa chaîne un peu au pif comme ça. C'est assez sympa. Bon, après, il ne met pas des vidéos toutes les semaines, en même temps, la longueur de ses vidéos. Oui, je pense que ça demande quand même certains... Pas mal voilà, de... mais le mec, il a du skill, c'est sympa. Donc voilà, si vous comprenez l'anglais, en plus, c'est pas un compte qui a 100 milliards d'abonnés, il y a quoi, 40 000 abonnés bien tassés, donc voilà. Ok, c'est cool. Ben, merci, monsieur Chou. Est-ce que quelqu'un a d'autres choses Juste avant de terminer cette partie introduction, un petit big up de la part de moi et Pelle à notre copain Antistar. Oui, ah bah oui, GG à lui. Ouais, quand même, c'est beau. Bon, hein. Un Français qui reprend son titre de champion du monde au Time Trial de Super Mario Kart. C'est beau. Bravo à toi, Jean, allez-y. On pourrait faire un big up à... Ah purée, j'ai pas tous les pseudos aussi, mais La team Windjammer France là qui a défoncé tout le monde à l'Evo là. Alors petit mot. Alors non, c'est pas Kaycoon qui a gagné justement, c'est merde. C'est pas Kaycoon ? Non, c'est son collègue, c'est soit l'un soit l'autre. De toute façon, d'accord. Pyro, voilà, Pyrotech. Voilà, Pyro et Kaycoon qui ont voilà, ils ont défoncé Windjammer à l'Evo. Ils se sont assis sur le visage de tout le monde. Avec Kaycoon qui a fait une entrée assez spectaculaire en plus à base de j'enlève trois fois ma veste Adidas verte et il y en a encore. Voilà, big up à vous les gars. C'est... Merci. D'ailleurs, si... merci en fait. S'il y a quelqu'un de chez Adidas qui nous écoute, donnez un sponsor à cet homme. Franchement, oui, le mérite. Le mérite. Sans rire, sans rire. Et effectivement, la France brille dans le rétro à Antistar. Ouais, hein. Une Pyrotech. Et en plus, on dit pas ça parce que c'est nos potes. Bon, si on... c'est un petit peu quand même. Mais bon. Ben, voilà. Et donc, sur le coup, on va pouvoir passer à Capcom, à la vie, à l'amour. Amour, gloire et Capcom. Code et Capcom, oui. Non, ça veut rien dire ça. Oh, ah si, moi je l'ai, je, ah, si, allez. Moi aussi, mais je suis pas là. Oh allez, si, moi je, parce que j'aime bien cette série. Ça m'a fait pleurer quand j'étais petit. Petit, on va. Allez, voilà, ça y est, ça commence, Ico. Non, non, il commande, on ne parle pas de Street Fighter 5. On n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps d'en parler. De toute façon, si j'en parle, ils ont dit qu'ils allaient couper mon micro, donc pour le coup. C'est vrai, je confirme. Donc, rapidement, pour l'histoire de Capcom, pour resituer dans le temps, la société IRM Corporation est fondée en mai 1979. Elle a pour but de distribuer des machines de jeux électroniques. En mai 1981, il crée une filiale qui s'appelle Japan Capsule Computer, qui a pour but de développer des jeux vidéo qui sont en plein boom en arcade au début des années 80. Le computer est là pour évoquer tout ce qui est ordinateur. Le capsule est là pour évoquer des logiciels de qualité et en même temps un environnement qui éviterait sécurisé, qui éviterait le piratage. C'est bien, ils y pensaient déjà à l'époque. 2 ans plus tard, en 1983, Capsule Computer devient ce que les Japonais adorent faire, prendre les deux premières syllabes des contraction. Mots, et devient donc Capcom. Voilà. Et donc Capcom n'est pas la contraction du jeu Captain Commando, qui est sorti bien des années plus tard. Voilà. Mais c'était un clin d'œil. Et sur le coup, un an après leur création, le premier jeu d'arcade sort de Capcom qui s'appelait Vulgus à l'époque. Vulgus qui était un jeu qui, dont le nom m'évoque je ne sais quoi. Un shoot'em up. Non. Mastic. C'est pas bien, j'ai rien fait, Mastic. C'est pas moi, mais c'est pas bien. Bien. Un shoot'em up à un scrolling vertical, donc, je disais. Qui a connu son petit succès, et il faut avouer que c'est comme ça que Capcom s'est fait connaître déjà dans le monde de l'arcade, puisque c'est là qu'ils ont réellement débuté leur histoire. Ça ressemble un peu à Xevious, Vulgus, non ? Dans le délire. Ouais. C'est ça. Oui, tout à fait, oui. Je trouve mode vertical plutôt. Comme il y en avait pas mal à l'époque, non plus, et qui voit en plus commencer tout ce qui va devenir des grosses habitudes chez Capcom, dont le fameux petit insigne que tout le monde connaît. Qui s'appelle, le nom m'échappe évidemment, sinon c'est pas drôle. Mais je crois que le jeu il était disponible dans le Capcom Generation d'ailleurs. Enfin, Capcom Generation 3, parce qu'il y en a plusieurs de Capcom Generation. Ah, ouais, mais on les a tous eu en un seul bloc, nous en France, hein. Les 4 CD, hein. Ouais, sur PS1, oui. Et d'ailleurs, il y a une référence dans Marvel vs Capcom Clash of Super Heroes en fait, et la phrase de victoire de Captain Commando. Ouais. C'est le, oui. C'est le Yashishi qui s'appelle Yashishi. Le Capcom Generation où nous, on a eu la chance, grâce à Virgin justement à l'époque, d'avoir tous les titres, tous les CD en un seul, nous sur le fond. C'est cool. Parce que non, mais moi je l'ai, je suis même pas sûr d'avoir tous les CD. Normalement, il y a les 4. Faudra que je vérifie. Et donc, comme je dis, voilà, on va. Je me suis plutôt qu'évoquer Capcom, vu qu'on a une heure de manière chronologique où finalement on n'aurait pas fini de parler des jeux les uns après les autres. Moi j'ai envie de faire un petit tour de table et de demander à chacun, tour à tour, quel était pour vous, de votre souvenir, le premier jeu Capcom auquel vous ayez joué. Moi, monsieur, moi. Peut-être à posteriori que vous vous rendiez compte, c'est bizarre. Oui, tiens, c'est vrai, c'était un jeu de cartes. Donnons la parole à la vieille moustache, là, qui n'en peut plus. Les oubliés de la Play Histoire, allons-y, monsieur Pelle. Non, bah, c'est un titre super commun, hein, mais c'est vraiment le premier souvenir que j'ai de Capcom, eh bah, c'est DuckTales hein, sur NES. Voilà, bam. C'était voilà, coup de cœur absolu, hein, fantastique. Ah, DuckTales, magnifique. Bah ouais, ouais. Bah, DuckTales, avec ses musiques. Voilà, ça a lancé, tu sais, à l'époque, hein, tous ces jeux Capcom ouais, d'adaptation de jeux Disney, ils étaient vraiment très bons là-dessus, hein, c'est clair, mais ça fera peut-être un chapitre. Qu'ils ont sorti dans la compilation, qu'ils ont sorti, c'est ça. Qui est disponible ouais. Partout, avec les deux DuckTales, c'est les deux, surtout Chip and Dale, ce que tout le monde aime c'est beaucoup. Ça. Et oui. Après, avec plus ou moins de succès, le Super Baloo, le Darkwing Duck sont peut-être pas aussi bons. Le Super Baloo, c'était un shoot'em up, hein, je crois, ouais. Sur NES. Ouais. Et mais non, mais tout ça. Voilà, mais Capcom, c'était le synonyme de platformer d'extrême qualité quand même à l'époque NES, hein, franchement. Et de certaines grosses difficultés pour certains. Oui, oui. En bas d'Octet, c'était quand même très facile. Hein. Oh, ils se sont rattrapés pas avec voilà. Megaman. Oui, mais ça, je voulais laisser ça à monsieur le concerné. Ah bah, vu la tournure de la question, je n'en aurais pas parlé pour l'instant. Hein. Bah là, allons-y, continuons. Je veux toi, Moa, par exemple, c'est quoi le premier jeu Capcom? Première fois où j'ai entendu le petit logo, c'est sur Super NES. C'était un de mes premiers jeux aussi sur Super NES. C'était Street Fighter 2. Mais ouais. Street Fighter 2 Vanilla, quoi. Street Fighter 2. Ouais, ouais. Et. Pff, oh la vache. Ben, moi, j'avais pas aucune idée de ce que c'était Street Fighter 2, en fait, en vrai. Je l'ai appris que plus tard. Mais. C'était vraiment poser les bases du versus fighting et tout. Moi, ce que ça représente, c'est juste qu'on se mettait sur la gueule avec tout le monde qui passait à la maison, que ce soit cousin, copain, ami, machin, on se mettait sur la gueule sur Street 2, quoi. Enfin, des heures et des heures à base de « Mais arrête de faire tout le temps la même technique. Ah, ma manette, elle marche pas. J'arrive pas à faire les boules de feu. » Et vraiment, non, j'ai passé beaucoup de temps en versus, et aussi le mode solo, que en fait, moi, bah, je suis grosse brêle au jeu de combat, j'ai beaucoup de mal à terminer le jeu. Quand j'arrivais sur déjà sur Sagat, je me ramassais mes dents, et puis après Dictator, là, Et dire qu'il y a pas longtemps, je l'ai terminé avec le tapis DDR. Ah ouais, non, moi, c'est, par contre, je suis incapable de finir. Après, peut-être que je le mettais en mode de difficulté trop élevé pour moi, j'en sais rien, mais je l'ai fini que très peu de fois. Hein. Très, très peu. Non, et c'était Guile. Mon perso, fin, c'était Guile. Pour avoir la vraie fin, il faut jouer en 4 étoiles et c'est raide quand même. Ah non, je me fais ça. C'est un peu raide. Le CPU, il a tendance à lire un peu tes inputs et c'est un peu dégueulasse. Juste pour situer, parce que les gens s'en souviennent peut-être pas, le premier Street Fighter 2 sur Super NES à l'époque, donc Vanilla, comme tu dis, n'avait même pas la possibilité de base de pouvoir sélectionner le même personnage quand on jouait à deux. Ouais. Il fallait faire un code. Ouais. Comme le premier, d'ailleurs, arcade. Hein. Ça, il n'y avait pas non plus... Il y avait quoi? Il y avait 8 persos, je crois. 8 persos, il n'y avait pas les boss. Il n'y avait pas les boss, il n'y avait pas les DJ et autres persos comme ça. Non, c'était vraiment... Et rien que ça suffisait déjà, donc pour s'amuser, j'entends. Moi, je me souviens aussi des parties de Street Fighter 2 Super Nintendo. Je me souviens surtout que le gars qui arrivait à faire un Hadoken toutes les 10 minutes, c'était déjà le roi du B3. Et je me souviens y avoir joué à Street Fighter 2 en arcade. Ah, mais on va en parler après. Voilà. Ouais, je pense qu'on est tous à peu près dans le même cas. Non, mais par contre, autant j'ai quasiment jamais touché une borne d'arcade de ma vie, autant... Parmi le peu de bornes d'arcade que j'ai touchées, ben je peux citer plein de jeux Capcom, et c'est ça qui est rigolo. Donc on en parlera plus tard. Ah oui, en arcade aussi, oui. J'en aurais cité Capcom Delia, en souvenir. Ouais. Donc, who's next? Qui c'est vas-y. Vous battez pas! Vous battez pas, ça suffit. Séparez-vous. Ok, du coup, on sait pas qui c'est. Du coup. Bah, vas-y, Chou. Donc, vas-y, Chou. Ton premier jeu Capcom, au cas où tu te souviens. Je les ai eus avec une NES. C'est soit Bionic Commando, soit Megaman. Mais Bionic Commando, j'ai dû y jouer 3 fois. J'ai rien compris au jeu. Normal, j'avais quoi, 6 ans, 7 ans. Le jeu m'a gonflé. Megaman, le jeu m'a gonflé, mais plus parce que j'arrivais pas. Mais c'est normal. Hein. Quand tu passes de l'Atari 2600 à la NES et que d'un seul coup, tu as des jeux comme Megaman, c'est pas la même catégorie. Hein. Puis Megaman a beaucoup de défauts, le premier, quand même. Hein, Megaman, ah oui. C'est quoi le stage de chiasse où tu as le... les plateformes qui disparaissent. Bah mais... Si, tu as Iceman qui a des plateformes comme ça. Tu retrouves ça plus tard dans le château de Dr. Wily. Il y a Yellow Devil aussi qui veut rien dire comme boss. Le perso qui glisse, et tu arrêtes d'appuyer sur le bouton, le perso il glisse sur 50 km. C'est un honnête man. Ils ont vachement vu leur copie avec le 2 et. Premier Megaman, ouais. C'est pas ouf hein, en vrai. Ah, si, il est très bien, mais il est très très dur. C'est ça le problème. Alors, on dirait qu'ils ont fait exprès de mettre certains pièges pour que tu t'es pris. Oui. Ah, mais... De mémoire, Cutman, Iceman, ça allait. Elecman, ça allait. Il me semble c'est Bombman. C'est pas Bombman où tout le début, t'as des plateformes en fait. Non. Je sais de quel tu parles, c'est Gutsman. C'est Gutsman, voilà. Ok. Donc, avec Iceman, Cutman. Et Elecman, ça allait. C'est Gutsman qui faisait chier. Et même encore maintenant, hein, j'ai essayé d'y jouer il y a quelques semaines. Ouf. Plateforme sur les rails, là, ouais. Ça pique. Qui tombe. Donc, moi, toi, en stream, tu es en cours de route. Tu viens de terminer le cinquième, tu vas entamer le sixième, c'est ça, ouais. Je les découvre. Je les ai pas connus à l'époque. Ni... Enfin, je les découvre. Voilà. Après, le 7 et le 8, les deux épisodes manimés. À condition que Capcom, ils ne strike pas ta chaîne, quoi. Parce que... Non, ils n'ont pas striké ma chaîne. Et juste entre parenthèses, moi, à part le premier, tu les apprécies quand même. Ah oui, après je râle parce que je suis nul, mais ça c'est normal. Mais sinon, c'est des bons jeux d'action plateforme. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de problème. Hein. Parce qu'on en parlait hier brièvement, c'est sur le côté des jeux qui vieillissaient. Quoi. Mais je trouve que les Megaman sont quand même cool. Quoi. Bah, hormis, je dis le premier avec le gameplay qui glisse, tous les autres, c'est vraiment, hop, t'appuies sur le bouton, le perso il saute, t'appuies sur le bouton, le perso il tire, voilà, c'est très nerveux, et tout. C'est carré, hein, c'est en jeunesse. Il n'y a que le premier qui a eu quelques égarements, mais les autres, ça va pour l'instant. Et puis, t'es quelques égarements, t'as surtout Yellow Devil qui... Non, mais il y en a plein, dans tous les Megaman, il y a un passage, tu t'es dit, ils ont fait exprès de mettre ces pics-là pour que tu meurs. Mais je pense que bien sûr que c'est fait exprès. Voilà, c'est pas... On appelle ça de la crapulerie. Hein. Non, mais juste pour dire d'ailleurs que cette mécanique vieillit pas, entre parenthèses, hein, vite fait, c'est que les Megaman 9 et 10, qui sont quand même assez récents, reprennent vraiment ce système-là, tu sais, l'essence même des épisodes NES, et on voit bien que ça fonctionne toujours bien. Quoi. C'est ça que je voulais dire. Enfin bref. Voilà. Au revoir. Après, c'est aussi parce que Capcom avait fait un sondage et c'est majoritairement les fans des épisodes NES qui n'ont connu que ceux-là qui ont dit « Ah ouais, moi je veux un jeu comme la NES. » Oui, aussi. Oui. Par contre, ça n'empêche pas que ça fonctionne bien, effectivement. Mais bon. Ouais. Bon. Après, je peux vous dire que je n'ai jamais fini à Megaman et que j'ai quasiment joué à aucun. Toi, Boss Dick, c'était quoi ton premier jeu Street 2 en arcade. Ah oui. J'ai eu de la chance d'avoir un bar dans mon bled qui avait toutes les dernières bornes. Je sais pas comment il faisait, mais on avait le droit à toutes les bornes de malade. Donc j'ai le droit à du Sunset Rider, tous les jeux Konami, Mortal Kombat, du Street 2 Champion Edition. Ah, t'as découvert Capcom en arcade, toi. Ah. En arcade, ouais. Pas sur console, j'avais pas de NES à l'époque. Comment il se la pète, le mec, quoi. Oui. J'ai découvert avec l'arcade. Qu'est-ce que tu vas faire? Oui, non, mais c'est... Et pour te dire qu'il y a 9-10 ans, j'étais déjà un pilier de bar. Oh là là. Ce qui n'est pas bien, les enfants, il ne faut pas le faire, mais ouais. Moi aussi. Je ne vais pas pouvoir mal tourner. Hein. Moi, personne ne sait. Hein. Non, mais ouais, j'ai appris à jouer. Voilà, l'arcade, c'est vraiment Street 2 qui... Mais est-ce que tu faisais comme moi? À savoir, le matin, tu arrivais à vérifier quand le mec avait allumé la borne, s'il n'y avait pas un crédit ou une pièce en monnaie. Bien sûr. Moi, il y avait une salle d'arcade où j'allais en vacances. Le matin, le truc ouvrait à 9h. 9h02, j'étais là. Je faisais le tour de toutes les pièces, de toutes les bornes, tous les monnayeurs. Quasiment tous les jours, je trouvais une pièce. Non, mais après, le truc, c'est que le type qui venait relever le monnayeur nous connaissait. Et moi, il était avec un pote et au bout d'un moment, il nous voyait tellement. À chaque fois, ils ont mis des crédits. Est-ce que tu tentais la technique de l'aimant pour mettre des crédits? Qui ne l'a pas essayé? Qui n'a pas essayé de mettre un chewing-gum sur sa pièce la et de la mettre et essayer de la retirer au dernier moment? Le problème, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu un cousin qui était en fait, il faisait les réparations et les installations de ses bornes. Donc, tel type de borne, il y a, je ne vais pas dire un souci, mais voilà, il y a une petite faiblesse, je le savais. Et voilà, donc c'était particulièrement rigolo. Non, mais en plus, quand t'es môme, et que voilà, t'es souvent au bar et qu'on te laisse rentrer, t'as toujours les habitués qui te connaissent. Ouais. Au bout d'un moment, t'arrives toujours à jouer gratuit. toujours. C'était étant donné que tu jouais côte à côte. Bon, après, bien sûr, fallait quand même jouer contre des gens qui ont une hygiène un peu irréprochable. Parce Quand t'es tout petit, quand t'as 9-10 ans, tu t'en fous, tu joues. Ouais, non, mais enfin. T'arrives à peine à la borne, t'arrives à la tête du joystick, tu t'en fous. Hein. Ouais, mais c'est encore pire parce qu'en fait, les aisselles, elles sont plus bas, en fait. Pas que les aisselles, alors. Et pour le coup, voilà, il y a des gens qui s'énervaient, qui donnaient des coups de pied dans les bornes. Voilà, ah nous, non. Nous, c'était un bar. C'était un bar du village. Mais un bar du village avec masse de bornes. Ah ouais, non. Moi, c'était vraiment une salle d'arcade. Non, c'était over-squatté. Donc, je dis merci au bar de m'avoir fait découvrir Capcom parce que ça a été véritable. Je crois que c'est mon premier choc vidéoludique. Véritable. Ouais, honnêtement, moi. Deux en arcade. Le truc où je rêvais d'y jouer la nuit. Cette année-là, j'ai pas vu beaucoup la plage. Sans rire. J'ai passé une bonne partie de mes vacances. Dès que je sortais de l'école, j'essayais d'y aller. Ouais, c'était pareil. Moi, c'était jouer à Darkstalkers. Je faisais un détour de 6 km pour aller au l'autre bout de la ville pour aller faire ma partie comme un crapé. Et après, ça a été comme moi. Quand il arrivait sur Super, ça a été exceptionnel, parce que là, tu pouvais jouer chez toi. Quoi. Et j'ai encore ma boîte du pack Street Fighter 2 Turbo d'époque. Il n'y a plus rien dedans, j'ai que la boîte. Non, c'est vrai, bah, il faut garder ça, c'est très bien. Je l'ai découvert dans mon grenier il y a quoi, un an et demi. Putain, quand j'ai vu la boîte, je peux pas dire j'ai eu une larme, mais d'un seul coup, tous ces souvenirs remontent. Quoi. Tu dis, oh, putain, c'est vrai, j'ai eu ça. Quoi. Cette boîte, je n'ai pas eu depuis 20 ans. Donc voilà, pour moi, c'est chaud qu'il nous fait une Amélie Poulain. Ok. Et donc, moi, c'est pas compliqué. En gros, il n'y avait pas de jeu Capcom sur Sega. Donc, c'est ça. Capcom de ma vie. Non, c'est pas vrai. Moi, j'allais chez mes potes qui avaient une NES. Et le premier jeu Capcom, dont je me souviens avoir joué, et pas qu'un peu, c'est Mega Man 2, sans surprise. Ah oui. Vraiment, Mega Man 2, il y avait, je sais pas qui avait Mega Man 6, Vincent avait Mega Man 2 notamment. Mais les heures qu'on a pu passer sur Mega Man 2, c'est juste. Voilà. Bon, de toute façon, tous ceux qui avaient une NES ont eu Mega Man 2, je pense. Oui, comme ils ont eu DuckTales, mes cousins avaient une NES, ils avaient beaucoup de jeux de Capcom en fait. Et bah, j'ai un pote qui avait une NES qui n'avait pas Mega Man 2, mais alors pour l'anecdote, j'ai un autre ami qui lui me disait, putain, j'ai un jeu, il s'appelle Mega Man 2 et j'arrive pas à le finir et tout, machin. Et en fait, c'est moi qui lui ai expliqué que quand il battait un boss, il pouvait prendre son arme et l'utiliser contre un autre boss qui va forcément être faible contre elle, cette arme-là. Parce qu'en fait, moi, j'avais déjà joué à Mega Man X quand il m'en a parlé et je lui ai dit, je suis sûr, c'est les mêmes jeux et tout. Il m'a fait voir la boîte et tout. Je fais, ouais, c'est sûr, c'est pareil et tout. Et il a essayé, il a fait, oh ouais, t'as raison. Du coup, oui, je l'ai battu en 4 tirs et tout. Du coup, je suis arrivé plus loin et tout. Bah, et mine de rien, c'était une super mécanique. Hein. Et, oui. C'est génial cette mécanique. Ça c'est vraiment un truc que j'adore, moi. Et par contre, il était bloqué après sur le niveau de Wily. Le niveau avec le dragon et les plateformes Notamment, et du coup là, je me souviens, il m'avait invité une fois chez lui, et on est arrivé jusque là, après il m'avait filé la manette, et là, je sais pas ce que j'avais fait comme connerie, mais enfin bref, et j'étais arrivé plus loin que lui, du coup il fait « Oh putain !» C'est là que seigneur de Megaman. C'est là que je me suis rendu compte que soit je jouais beaucoup trop aux jeux vidéo... Mais que ce soit dans Megaman et puis après dans DuckTales, ça fait partie des choses qui, l'air de rien, font qu'on s'en souvient. Les jeux n'étaient pas linéaires. On vous laissait le choix. Oui, c'est vrai, exactement. Et ça, c'était bien. Avec en plus, dans DuckTales, la possibilité de revenir en arrière. Oui. Chercher les trésors cachés. Mmh. Et ça, c'était vachement bien. Ouais, c'est clair. Un autre jeu adapté, peux faire une petite parenthèse de l'univers Disney que le monde a un petit peu qui est assez oublié, qui est Adventures in the Magic Kingdom. Ah oui, oui, oui, oui. Oui. C'est un jeu très bien avec vraiment une bonne réalisation et qui a tendance à passer sous les radars un petit peu aujourd'hui. Ouais. Il ne coûte pas très cher d'ailleurs. Hein. Ouais. Mais tu vois, cette jaquette, elle était pas, elle faisait pas envie avec ce château type princesse. Avec les feux d'artifice et tout. Mais en même temps, oui, le jeu est très bien en fait. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Les petits oubliés. Et finalement, ce n'est pas une mauvaise idée de confier la licence Disney à Capcom sur les années NES Super Nintendo. Parce qu'ils NES Super Nintendo, ils ont fait du très très joli travail. Hein, Capcom. Et je m'aperçois que j'ai dit une bêtise. C'est pas Captain Commando le premier. Non, c'est pas ce que j'avais dit le premier jeu que j'avais joué. C'est pas Bionic Commando. Oui. C'est Ghost and Goblins sur NES. Ah, ah oui, oui. Ghost and Ghost, je ne sais plus exactement quelle version c'est. C'est Ghost and Goblins sur NES. Ah, putain, le jeu. Je l'ai encore aujourd'hui, moi, un mauvais souvenir. Comme beaucoup de gens. Ouais. Pas un mauvais jeu, mais il m'a tellement fait rager. Et ouais, c'est ça. Donc, Beyond. On a perdu tout le monde, non? Non, c'est bon. Pardon. Donc, oui, parce que je disais, par exemple, c'est vrai que durant la première partie, moi, des consoles que j'avais une Master System, puis après une Mega Drive. Donc, c'est vrai que les jeux Capcom, au départ, ben, si tu restais sur les consoles Sega, c'était pas non plus une évidence, quoi. Bah, je parce sais pas. Honnêtement, sur Master, en Capcom, il y avait quoi? Il y avait des jeux Capcom sur Master System, il y avait Forgotten Worlds, Mercs, oh, oui. Strider et Ghouls and Ghosts. Mais comme toujours chez Sega, comme avec Final Fight CD, comme après avec Shiki Shiki Boys sur la Mega Drive, c'était Sega eux-mêmes qui s'occupaient des conversions. Oui. Donc le logo Capcom, il n'était pas mis en avant de ouf, quoi. C'est Sega qui s'occupait de faire la conversion des jeux. Il n'y a que donc avec Street Fighter de Prime sur Mega Drive, où là forcément, il fallait Street Fighter sur Mega Drive à l'époque. C'était un peu une obligation. Non, mais c'est vrai, en plus, t'as raison. Moi, si j'avais pas mes cousins qui avaient une S, les jeux Capcom, je me serais assis dessus, en fait. Hein. Mm-hmm. Parce que j'avais pas ça chez moi. Hein. Moi, j'avais une Super NES et j'avais beaucoup de jeux Capcom. Ouais, non, mais après, sur la Super NES, si t'avais pas de jeux Capcom, c'est qu'il y avait un problème dans ta ludothèque. Mais en fait, comme vous l'avez dit, bon, il y avait Street Fighter, bien sûr, j'en ai parlé, ouais. Mais comme vous l'avez dit, vu que Disney avait confié des adaptations de jeux par Capcom, bah forcément, les parents, quand t'es gamin, ils achètent un jeu de Disney, tu vois, parce que Disney, ça va être pour gamins, c'est Disney, c'est bien et tout, bah... Fatalement, moi dans ma ludothèque, il y avait du Aladdin, le Roi Lion, Goof Troop, j'en avais parlé au dernier podcast. Magical Quest aussi, non? Non, c'était Mickey Mania. Ah ouais, Mickey Mania, c'est pas Capcom. Mais c'est pas Capcom, non. Du coup. Ouais, c'était Telltale, je crois. Non c'est pas Virgin, Mickey Mania? C'est Virgin, je crois. Ah ouais, peut-être Virgin. En train de me dire le Roi Lion, c'était Virgin. Je dis Traveler Tell, je pensais. Le Roi Lion, c'était Virgin aussi, c'était pas Capcom en fait. Non, c'est peut-être Virgin. Oui, non, c'était Virgin. Ouais. Ouais. Ils ont fait toute une grosse période avec eux. Ben, j'avais plein de jeux Disney Capcom et plein de jeux Disney tout court, en fait, du coup. Et puis, oui, un autre jeu dont on parlera peut-être plus tard. Ouais. Un des premiers jeux Capcom auquel je jouais aussi, je m'en souviens. Alors, je ne sais pas pourquoi, ni comment, ni quand, ni où. Je ne fréquentais jamais les établissements de débit de boissons, où que ce soit. Pourtant, dans le village chez mes parents, je ne sais comment, je me suis retrouvé un jour à aller à Vieux Cassel, un des seuls endroits du village où il y avait un bar, et on m'a retrouvé devant une borne. Je devais avoir, une dizaine d'années, et peut-être un petit peu plus, et sur le coup, j'ai vu cette borne, et j'ai dit, waouh, je veux jouer à ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert le jeu UN Squadron. Alias Aria 88. Mon souvenir fait que je n'arrive pas à me souvenir si c'était UN Squadron ou si c'était Carrier Air Wing, sa suite. Je sais pas. J'avoue que. Mais par contre, le système de jeu, la façon dont le jeu fonctionne et tout, je suis certain que c'est celui-là parce que lorsque j'ai vu qu'il existait sur Super Nintendo, j'ai dit oh là, bon, je veux ça rapidement. Il était bien, UN Squadron. Et c'était vraiment, parce qu'on n'a pas parlé donc, de toute la période, donc des 1940, la série des 1904XX, de Capcom qui a abordé donc le shoot'em up sous un thème militaire, donc puisque placé durant la Seconde Guerre mondiale quand même. UN Squadron, c'était un peu à mi-chemin avec une espèce de vision assez réaliste avec la guerre, tout ça, mais en même temps des mondes assez fantaisistes avec des armements qui étaient un petit peu assez folkloriques. Un peu over the top, ouais. Voilà. Ouais, carrément. Moi j'ai découvert sur Super NES celui-là. Ouais. Dans les jeux d'arcade, moi, c'est beaucoup plus tard, après avoir découvert les jeux sur NES, moi, c'était surtout, je me rappelle, quand j'étais lycéen, il y avait une salle d'arcade pas très loin. J'y allais souvent, et il y avait les Samurai Shodown de Neo Geo, mais à côté, je me rappellerai toujours, alors là, franchement, c'est le truc qui me faisait halluciner, c'était le Knights of the Round de Capcom. Ah ouais, ouais, pas mal. Ouais. Oh là là. En fait, Capcom, ils ont fait beaucoup de beat'em all comme ça. Bah, en fait, c'est rigolo quand tu vois, même, pas forcément que en beat'em up, mais le nombre de licences qui dorment dans leur carton. T'as quoi? T'as Rival School. Oui. T'as Power Stone. Star Gladiator, Final Fight, t'as quoi, t'as Project Justice, Darkstalkers aussi, qu'ils avaient teasé un nouveau jeu, puis finalement, non, ils ont décidé que non. Donc ouais, t'as plein de choses, c'est violent. Strider. Ouais, Strider, non, ils ont Strider, fait... Strider, il y a une sortie, ouais. Ils ont ressorti le jeu. Ouais. Ça a été un des tournants au niveau d'arcade donc de Capcom, où donc dans les années 80, tout restait encore à créer. Sega de son côté avait fait un carton avec son système 16. SNK arrivait avec sa Neo Geo et son MVS. C'est ça. Et ouais, Capcom c'est... s'est frayé une place au soleil avec son fameux CPS, hein, le Capcom Play System. Ouais, c'est ça. Et donc ouais, le Knight of the Round. Alors, je sais pas si non, sur CPS, hein, voilà. Voilà, c'est ça. Et je sais pas s'il était adapté sur Super NES celui-là, si, hein, Knight of the Round. Il est sorti sur Super NES, ouais. Oui, et donc en tout cas sur arcade, moi il me faisait mais halluciner avec les chevaux. Bah, c'est quoi le tower Mystaria, Mystara? Non, ça c'est Donjons et Dragons, c'est ceux qui sont Dragon, sortis après. Knight of the Round, il est à part de la série. Ça existe sur Super NES. Mais c'est clairement tout ce qui a inspiré un petit peu les jeux de VanillaWare récemment, là tu sais, Dragon's Crown et tout ça, hein. c'est le même délire en fait. C'est vraiment excellent. Mm-hmm. Que tous les deux Donjons et Dragons sont sortis plus tard sur CPS2. Hop, Shadow over Mystaria et Tower of Doom. Voilà. Ça. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est moi, c'est ceux-là que j'avais joué ce soir. Qui est aussi en termes de beat'em all. Sont très bons. Hein. Et qui sont remplacés avec le fabuleux Alien vs Predator aussi, si vous aimez vous défourailler sans poser de questions. Le Captain Commando aussi. Bah, Captain Commando, il est plus mou du gnou sur le coup. Moins, ouais, moi, il me fait beaucoup rire. Bah, le fait parce que t'as un bébé dans un robot, mais. Ouais, enfin, après, comparé à Alien vs Predator, bon. Bah, ils n'ont pas fait Punisher aussi? Si, Punisher, oui, il est excellent. Punisher est très très bon. Ah non, mais ils étaient là à la grande époque du Pizzemo. Capcom, mais c'est vrai, justement, présents, hein. Punisher, mais en plus des licences Disney, Capcom avait aussi pas mal de jeux Marvel. Hein. C'est vrai qu'ils ont eu énormément de licences. Hein. Adapté. Ah oui, non, mais ils ont eu le nez fin pour pas mal de choses dans les années 80, 90 et même 2000. Ouais. Ouais. Après, ça a été fait d'une manière pas très très heureuse pour certains et mieux pour d'autres. Mais dans l'ensemble, cette période-là, ça reste du pain béni pour Capcom. Hein. En fait, ils savent encore faire des bons jeux, mais que quand ils s'en donnent la peine. Et que quand il n'y a personne qui vient donner du pognon pour les aider à faire un jeu. Bah, encore dans cette époque-là, c'était vraiment exceptionnel. Ils étaient vraiment sur le toit du monde. Et regarde le premier crossover, voilà, c'était quoi, X-Men versus Street Fighter? Ouais, ça doit être ça, le premier. Ouais. Tu regardes le jeu encore maintenant, t'as des sprites qui font la moitié de l'écran, ça bouge dans tous les sens, ça... c'est le jeu encore est très bien, hein. Il y a Children of the Atom, 96. Children of the Atom d'abord, ensuite ouais. Marvel Super Heroes et ensuite le. Après, pour le coup, bon, Children of the Atom, t'as juste Akuma qui est dedans, je crois, si ma mémoire est bonne. T'as juste Akuma, je sais même pas s'il est dans le premier X-Men Akuma. Attends, on va regarder ça. Ouais. Je me semble. Bonne question. Il me semble qu'il y est, mais je suis pas certain. Ça se trouve, je dis n'importe quoi. Et pourtant, j'ai eu le jeu sur Saturne. Mais j'ai un doute. Perso, caractère. Ah, en perso secret, ouais. Akuma. D'accord. Ok. Tu peux y jouer via un code sur la character select screen. Voilà. Bah, sur le coup, en parlant d'arcade, moi, j'ai une petite anecdote à raconter parce que ça me fait toujours marrer. Je devais avoir une douzaine d'années, un peu plus, par là. Et j'étais parti en voyage dans les Pyrénées Atlantiques avec le troisième âge et mes grands-parents. C'est drôle, hein. On s'arrête pour visiter une cave à vin dans les Pyrénées Atlantiques. Et en face de la cave à vin, il y avait un bar. Sur le coup, les gens disent oh, peut-être on va aller boire un petit coup avant de repartir. Et on rentre dans le bar, et dans le bar, il y avait une borne d'arcade. Alors moi, évidemment, la cave à vin, 12-13 ans, voilà. Ouais. Par contre, la borne d'arcade, et là, je vois Street Fighter 2 tourner sur la borne d'arcade, et j'étais là en mode, oh, j'ai envie de jouer. Vite. Sauf que le Street Fighter 2, il avait un petit problème. Les personnages avaient des attitudes un petit peu hystériques, et ils pouvaient faire des trucs sympas, comme des boules de feu en sautant. Rainbow Edition. Je suis tombé sur une Rainbow Edition, comme ça, pouf, à l'époque. Je ne savais pas encore ce que c'était. Ouais. Et j'apprendrai des années plus tard que donc on circulait pas mal de PCB pirates. C'était pas si rare à l'époque, effectivement. Voilà. De Street Fighter 2 qui permettait de faire des choses insensées, des boules de feu de couleur, des boules de feu en sautant, d'accélérer considérablement la vitesse du jeu, plus encore que dans Turbo. Là, c'était un Street Fighter 2 prime, donc je crois qu'il n'y avait même pas encore Turbo à l'époque. Pour la petite anecdote, Capcom, justement, sortira des Street Fighter 2 Turbo après que les gens se soient amusés à faire ce genre de choses. Parce que jamais, je pense, à l'époque, ils auraient pu s'imaginer que les gens allaient vouloir plus de vitesse, par exemple, dans un Street Fighter. Eh ben, en fait, à l'origine, l'éditeur de Street Fighter refusait le truc. Hein. C'est Capcom américain hein, qui ont poussé à faire ça. En fait. Ils ne voulaient pas. Des bootlegs de Street 2 Rainbow Edition, t'en trouves généralement aux alentours de, allez, quoi, entre 50 et 90, 100 balles selon l'état, selon la version de ce qu'il y a dedans. Parce qu'en fait, il y a différents Rainbow Edition, enfin différents jeux, voilà, un peu chelou comme ça, que l'on appelle parfois à tort Rainbow Edition. D'accord. Et ça pour dire, au final, entre donc la série Street Fighter et Dishonored, qui était donc la série assez sérieuse, on va dire, sérieuse business, tout ça, le vrai jeu de combat, tout ça, et toute la série Marvel, au sens large, avec les crossovers qui en suivaient ensuite, qui étaient beaucoup plus récréatifs, entre guillemets, Capcom, a vraiment marqué. C'est vrai que tomber sur un jeu, même encore aujourd'hui, comme Marvel vs Street Fighter, et voir la taille des sprites à l'écran, on se dit, mais c'est quoi cette blague? C'est un dessin animé qui bouge. C'est ça, l'explosion de couleurs, l'animation. Et en plus, et sans même évoquer des séries comme Darkstalkers, qui aussi ont marqué des joueurs peut-être un peu moins, mais... Morrigan. Visuellement, c'est fou, hein, Darkstalkers. Ouais. Et surtout, ce que Capcom est arrivé à faire, donc peut-être pas avec les Marvel, et peut-être pas justement avec Darkstalkers, mais qui sont arrivés à faire avec Street Fighter, c'est se renouveler dans le temps. Parce que aujourd'hui, mettre côte à côte Street Fighter 2, Street Fighter Alpha et Street Fighter 3, on a quand même trois jeux très différents. Oui. Même si on a fondamentalement la même base. Et moi, je me souviens avoir joué à Street Fighter 3 en arcade, c'était 3.2 à l'époque. C'était incroyable, la Second Impact. C'était juste dingue, mais dingue. Je trouvais l'animation folle, je trouvais le jeu fou quoi, à jouer. Et dire que j'y ai pas joué avant sa réédition sur Xbox Live et PS3. Moi, c'était Dreamcast. Moi, j'y jouais Sans rire, je savais pas que le jeu existait. Et depuis, par contre, c'est l'un des jeux auxquels j'ai joué le plus, en fait, ces dernières années. Non, mais c'est vrai, tu mets un doigt sur quelque chose, Beyond, c'est qu'ils arrivaient... Chaque Street était différent. La base était la même, mais ils changeaient graphiquement, ils changeaient les musiques, ils changeaient le gameplay. Oui, parce qu'on se souvient tous encore, je pense, avec beaucoup d'émotion du chara-design de certains personnages de Street Fighter 3 et de la musique absolument... C'était de la musique jazzy hip-hop, quoi. Et la musique de 3.3, je crois qu'il y a plein de joueurs qui ont été en PLS. Mais moi, je l'aime beaucoup. Elle change totalement, mais c'est super cool. Mais c'est vrai qu'à une certaine époque, ils arrivaient à... D'un côté, ils exploitaient jusqu'à la corde vraiment certaines licences, parce que Street Fighter, il faut donc resituer donc, du Street Fighter 2, Street Fighter 2 Prime, Street Fighter 2 Turbo, Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 X. Avant 2X, t'allais Alpha, je crois. Ben non, mais ce que je veux dire par là, c'est que les Street Fighter 2, ils les ont exploités jusqu'à la corde, mais en même temps, au moment où il a fallu se renouveler, eh ben, ils ont su le faire. Un petit peu comme ce qui s'est passé avec Mega Man aussi, et quand ils ont sorti Mega Man X. C'est-à-dire que il y a un moment, ils ont gardé la même recette, et ils sont quand même arrivés à en faire autre chose. Après, quand tu vois qu'ils ont réussi quand même à faire des crossovers avec Marvel, avec SNK, pour leur jeu de baston, ça va. Hein. Bon, alors vas-y. Alors, c'est le moment où moi parle de Mega Man X, donc je dis bonne nuit à tout le monde. Moi, raconte-nous le jeu. Alors, déjà, pour tout dire, il y avait un ami de mon père qui revendait des trucs sur Super NES. Donc je dis des trucs parce que c'était aussi bien des manettes que des jeux, machin. Et donc, ce qu'il avait proposé à mon père, c'est parce qu'on ne voulait pas sur l'or non plus, il a dit, bah voilà, je te prête les jeux. S'ils te plaisent, tu me les achètes. Et s'ils ne te plaisent pas, tu me les rends et puis je t'en prête un autre. Enfin, faut voir. Et donc, il avait dans la manœuvre, dans la négociation, prêté Mortal Kombat 2 et Mega Man X. Alors, pourquoi mon père s'est retrouvé à me prendre Mortal Kombat 2, je n'en sais rien. Mais par contre, on s'y est beaucoup amusé avec lui. Donc bon, voilà. Mais pour Mega Man X, c'était une autre histoire. Parce que moi, j'ai mis énormément de temps à passer le premier niveau. Le premier niveau, j'entends le stage d'intro, il m'a fait ramasser les dents. Mais premier niveau, parmi les bits que tu peux sélectionner, et tuer un boss en fait. Hein. Et c'était pas gagné que je l'aime ce jeu. Ouais, parce qu'il était dur. C'était vraiment très difficile. Moi, je jouais à Super Mario All-Stars, Super Mario World. Et je m'étais pas vraiment pris de pavé comme ça dans la gueule en termes de difficulté. Et j'avais pas beaucoup de temps de jeu aussi. Mais ce qui m'a fait aimer le jeu, c'est déjà dans le premier stage, dans l'intro, il y a un moment, le jeu il fait en sorte que tu tombes. Quand tu connais pas le truc, il fait en sorte que tu tombes et que tu sois obligé d'utiliser le wall jump. Et là, j'ai vu un wall jump, j'ai fait mais... Oh mais c'est beaucoup trop bien ce truc! Et la deuxième claque que j'ai pris, c'était un autre truc. Bon, déjà, le fait de tirer sur les ennemis et tout, je trouvais ça cool. Le fait de charger son tir, je trouvais ça encore plus cool. C'était déjà pas mal. Mais après aussi, il y avait quand tu fais le niveau de Chill Penguin, ton personnage, il gagne l'aptitude du dash. Et ça, c'est pareil. Moi, je connaissais pas. Et c'était ouf. Et du coup, tu te retrouvais avec un jeu avec du tir chargé, un ennemi, tu récupérais son arme, tu pouvais faire des wall jump, des dash, mais c'était ce jeu il est phénoménal quoi, c'était incroyable. Et du coup bah ouais, au bout d'un moment j'ai fait non mais ce jeu c'est le meilleur jeu du monde. En plus on est un robot, donc voilà c'est trop bien. Et en plus on combat des robots animaux, donc c'est pouf. Je veux dire, ce jeu était merveilleux quoi. Et bah tu le dis merveilleux, mais c'est surtout visuellement, moi je le trouve assez fantastique hein, aussi, rien que visuellement. Tu sais, le design cartoon high-tech, SF, manga et tout, non, mais c'est superbe. Hein, ah ouais, franchement. Ouais, moi j'ai adoré ce jeu. C'est après voilà, où je me suis rendu compte, en jouant à d'autres jeux après, c'est surtout ça en fait. Et je me suis dit, putain, ouais, non, mais en fait, Mega Man X, c'est trop bien. Les autres jeux me laissaient pas le même sentiment d'achever, enfin, je sais pas comment dire. Et il en a des défauts, Mega Man X, pourtant, on pourrait en citer plein. Hein. Le level design de temps en temps qui fait des trucs bizarres. Ça va te faire mal. Voilà, mais. Le dash, ils auraient dû le filer dès le début aussi. Enfin bref, il y a plein de trucs bizarres, mais voilà, il y avait une science dans le. Finalement, quand tu y repenses après, dans le level design, la gestion des armes. Enfin, les armes, je peux en parler des heures tellement tu sens qu'ils ont étudié le truc et tout. Ouais, c'était une grosse claque en fait. Et depuis ce jeu, je fais souvent la blague sur différents streams quand j'arrive. Un jeu que je connais pas, je dis est-ce qu'il y a un dash et un wall jump ? Parce que c'est vraiment un truc. Ça peut faire toute la différence pour moi dans un jeu, quoi. Un dash et un wall jump. Dans Mario, ils ont rajouté le wall jump. J'attends le dash. Il y a la course. Alors, avec Mario Odyssey, il y a des sortes de dash, d'ailleurs. Et voilà, une claque. Et je pourrais continuer à en parler. Hein. Sur la manière dont, par exemple, le stage d'intro du jeu de Mega Man X, pour moi, c'est une leçon, tu vois. C'est tout le monde devrait faire le stage d'intro en école de level design, game design. Attention, moi, parce que quand tu fais un stage tutoriel comme ça, il y a des journalistes, ils savent pas les passer. Comme avec Cuphead. Ouais, non, mais le stage tutoriel, voilà, il t'explique le jeu, il t'explique le jeu sans te faire le moindre panneau en disant appuie sur le bouton B là pour sauter, il t'explique le jeu en te mettant juste dans des situations dans lesquelles tu n'as pas d'autre choix que d'utiliser comment du personnage et tu le fais naturellement quoi. Donc voilà, enfin, bref. Je pense que le 2 est mieux objectivement, mais subjectivement, c'est mon jeu du cœur, c'est le 1. Donc. Je vais faire une petite confidence. Les seuls Megaman que j'ai jamais terminé, c'est le 2 et X. Voilà. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire que j'ai jamais terminé notre Megaman en vrai. C'est ces deux épisodes-là, parce que Megaman X aussi, je sais pas comment, j'avais pas le jeu moi, mais on me l'a prêté à l'époque et j'y ai joué. Et je m'en souviens beaucoup. X2 et X3 à l'époque, même pas en rêve, forcément. Bah, je savais même pas qu'ils existaient, moi. Si, voilà. J'avais vu des images de X2 dans un magazine. Il s'appelait. D'ailleurs, je comprenais pas parce que dans le magazine, il parlait de Rockman. Hein, donc, j'avais pas fait le. Bah voilà. Oui. Et je me suis dit, c'est ouf, ça ressemble, mais de ouf, quoi. Et en fait, ouais, je me suis toujours dit que. Après, j'ai fini par comprendre que c'était la version japonaise du jeu. Et j'ai toujours cru qu'il était sorti qu'au Japon. Je pensais pas qu'il était sorti chez nous. Quoi. Donc, ouais. Donc, enfin, un petit point collection. Il y a des jeux Megaman aujourd'hui qui vont rien vous coûter, qui vont être très faciles à trouver. Et il y en a d'autres, il faut pas les collectionner. Jamais. La série des Megaman fait partie des jeux qu'il faut pas collectionner. Jamais. Demon's Crest aussi, ouais. Et la série des Gargoyle's Quest, ouais. Slash des Demon's Crest, qui vraiment, mais cela ça va parce qu'à la rigueur il y en a que 3, donc on peut arriver à se concentrer. Ça pique aussi de Gargoyle's Quest sur Game Boy. Non, je pense pas. Sur Game Boy, il me semble que c'est tu peux l'avoir à un prix relativement correct, non? Moi, je sais quoi, c'est une chute. C'est dans les nouvelles, c'est ça va. La version Game Boy, ça va. Gargoyle's Quest 2 sur NES, c'est beaucoup moins drôle, et Demon's Crest, c'est vachement moins drôle. C'est carrément pas drôle du tout, la version de Gargoyle's Quest 2 sur NES en français, c'est quoi 400 boules, un truc comme ça, non? Ouais, FH, ouais, 300-400, on est un peu plus. Mais la Gargoyle's Quest sur Game Boy, c'est comme tout le jeu Game Boy, hein, tant que tu cherches pas à emboîter Notice, ça va. Ça oui, après c'est autre chose. Aucun problème, tu peux le trouver facilement, pour 10 balles, tu peux l'avoir. Pour continuer, c'est un sacré bon jeu. Pour continuer à dire, parce que les gens, ils parlent toujours, bon, sur Megaman, on a toujours l'habitude de parler de Megaman X3 sur Super Nintendo PAL, qui est vraiment qui sacralise tout ce que tu peux faire de pire en termes de collection. Hein. C'est un jeu qui est sorti par la société Laguna en Allemagne, à un très petit nombre d'exemplaires, qui aujourd'hui vaut un exemplaire complet, on doit être à 1 500 € peut-être, je suppose, dans ces eaux-là. C'est absurde. Mais il n'y a pas que lui. Par exemple, cherchez un Megaman 5 sur Game Boy. Vous n'allez pas rigoler. Cherchez les Megaman Extreme. Megaman 5 sur NES aussi. Hein. Megaman 5 sur NES, c'est pas mal. Les Megaman Extreme sur Game Boy Color. Les Megaman Extreme, prenez les versions Jap. Voilà. Et après, le pire, c'est que ça... en Jap, parce que sinon, le pire, c'est que ça continue au-delà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez chercher Adventure of Thronebon, le 3e épisode Megaman Legend en version PAL. Bon courage. Oui, ah oui, bon courage parce que je l'ai cherché. Les Mega Man Legends en général, hein, de base, même en un version deux, ouais, US, c'est en version US, ils sont pas faciles à trouver. Parce que je suis l'un des rares à aimer les Mega Man Legends, mais vraiment. Les Legends sont pas. Les Legends, ça va. Adventure of Thronebon, c'est débile, mais débile. Oui, là, mais c'est super rare. Oui, pour le coup, il est vraiment super rare. Et même des versions dégueulasses comme Mega Man X3 Saturn aujourd'hui vaut plusieurs centaines d'euros, donc. En version PAL, ouais. En version PAL, oui. Pardon, il n'est pas sorti aux États-Unis, donc c'est vrai que. Les versions Jap m'avaient coûté quand même une cinquantaine d'euros. Hein. Et 50 euros pour une version Jap, c'est qu'effectivement, c'est, ouais, c'est comment ça coûtait. Hein, puis... c'est compliqué aujourd'hui de commencer. C'est la version personne ne veut, la version Saturn de Mega Man X3, hein, je me rappelle. Non, parce qu'il y avait les cinématiques. C'est vraiment celle PlayStation, je crois, que personne ne veut. Parce que là, il n'y a rien. Là. Mais non, mais là, sur Saturn, par contre, il y avait un format d'image dégueulasse. Ah oui, c'est ouais. Enfin bref. Mega Man X3 sur Super NES, hein, vous prenez une ROM sur Emu Paradise. Pardon. Tu t'es trompé dans le titre, c'est Mise Aventure of Thronebon, non, c'est pas ça? Ouais, c'est ça, Mise Adventure of Thronebon, ouais. C'est ça. Qui est donc Mega Man. Ah ouais, ça pique. Ah ouais, non, mais il est rare le jeu, donc ouais, il va. Ben, c'est ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a même pas marqué Megaman dessus, et pourtant, c'est sûr qu'à chaque fois qu'il passe... C'est pas marqué Megaman dessus, t'as quand même un sticker... Ah non, c'est que sur la version US, j'ai rien dit. Ouais. Sur la version US, t'as une espèce de sticker, en fait, sur la pochette. Avec la tronche de Megaman. Oui, non, mais en même temps, c'est vrai que si t'as pas joué à Mega Man Legend, tout de suite, ça te parle moins. Quoi. Parlant de Mega Man Legend, non, sur le coup, on va faire, je vais faire la transition et parler donc de l'époque du fameux passage à la 3D, puisque donc Capcom, donc maître de l'arcade 2D, qui règne aussi sur les consoles Nintendo avec sa 2D, a dû faire comme les autres et passer à la 3D. Est-ce qu'ils ont réussi ? Bah, Resident Evil. Voilà. On a du Resident Evil, on a du Dino Crisis, on a des jeux comme ça qui sont vraiment restés dans l'histoire. En fait, nouvelle licence, j'ai envie de dire. Oui. En schématisant, hein. Leur nouvelle licence. Le passage était. Elles ont été pensées en 3D. Donc, voilà. Ou un peu comme au niveau des jeux de baston, Rival Schools, par exemple. Ouais, voilà. Par contre, vas-y. Ben, celle existante où ils avaient un schéma de pensée qui était purement 2D et ils se sont dit, passe en 3D, on s'en fout de comment, c'est plus discutable. Mega Man Legends, ils sont pas mauvais les jeux. Hein. J'adore les jeux. Mais vraiment, c'est des jeux que j'aime beaucoup. Par contre, ça a peut-être usurpé son nom de Mega Man. Tu vois. Oui. Dans le sens où c'est pas de l'action nerveuse. Le 2 est plus nerveux, le 2 est beaucoup plus speed, ils ont amélioré quand même pas mal de choses, il est plus beau. Le premier, c'est une ébauche. Ouais, c'est clair. C'est vraiment une ébauche. Je pense que surtout, c'est fait partie de ces jeux où tu lui enlèves son nom, tu le remplaces par quelque chose d'autre. Dès l'instant tu l'appelles pas Megaman, ça serait pas porté à confusion, mais ça aurait évité qu'il y ait pas mal de gens qui râlent. Ouais, mais après, t'as quand même du Megaman, t'as quand même toute l'histoire, même rôle, tu sais, voilà, ils ont. J'avais joué à l'époque, c'était pas mal, hein. Mais après, oui, c'est de la 3D. C'est vraiment pas terrible. Ouais, attention, c'était quand même pas Castlevania 64, quoi, faut pas déconner. Non, voilà. Mais après, ouais, c'était lent. C'est vrai que c'était quand même lent, que la maniabilité. Parce qu'il faut savoir, en plus, le jeu au Japon s'appelle Rockman Dash. Donc, genre. Oui, bah, c'est ça. T'avais le sentiment de vitesse, la Dash, tu vois. Vas-y. Tu te rappelles le sentiment de vitesse, moi, c'était avec les patins roulettes. Hein. Ah, c'est vrai. Tu devais appuyer sur rond pour avec tes patins roulettes, c'était. Moi, je les ai jamais fait, j'ai juste vu des let's play, j'ai commenté aussi une fois une GDQ et tout, et j'ai dû prendre un peu en main aussi de jeu pour pouvoir savoir de quoi je parlais. C'était pas mauvais, voilà, c'est tout ce que je tenais à dire. Les gens, ayant les deux premiers, je trouve que le 2 est bon. Le 1, c'est plus compliqué. Le 2 est tout à fait. C'est toujours pareil, on était au début de la 3D, il a fallu faire des choix en termes de jouabilité. Il y a des jeux qui. Bon, on est à mi-chemin entre les bonnes idées et des fois les trucs un peu relous. Mais bon, des choses comme le lock étaient forcément indispensables. Enfin, c'était vraiment, on teste des trucs. On va voir. Mais le 2, ils ont réussi à un bon compromis. Et graphiquement, le 2, la 3D, elle est super propre. Elle est vraiment super propre, quoi. Pour de la PS1. Et d'ailleurs, soit dit en passant, juste pour parler d'une petite anecdote sur Mega Man Legends 2, on n'a pas le choix du niveau de difficulté quand on commence le jeu. On l'a de manière détournée, où il faut aller dans l'église où on te donne une espèce de parcours à faire en un certain temps limité. Si tu réussis l'épreuve, le jeu augmente d'un cran de difficulté et te propose une autre épreuve plus dure que si tu réussis à nouveau, le jeu augmente encore en difficulté. Voilà. Tu mens. Tu n'es pas obligé de rendre le jeu plus difficile, tu peux si tu as envie. Ouais, non, mais c'est pour ça que j'ai toujours misère avec le jeu, parce que moi je fais les trucs. Ah non, j'ai raté, je recharge la partie. Non, mais tu fais pas exprès, quoi. Mais après, le 2 en tant que tel, ouais, si tu fais les trucs, il est pas gratuit. Il y a des boss qui sont. Ils ont eu d'autres, licences comme ça qu'ils ont portées en 3D sur la PlayStation 64. J'en pense à une autre en particulier, c'est Street Fighter. C'est pas Capcom aussi. Oui, mais je veux dire par là, ça restait quand même la licence Capcom, ça restait Street Fighter en 3D. Ouais, et... mais ils étaient bien. Les X plus Alpha, ouais, c'était cool, j'aime bien. Bah, disons que le truc, c'est qu'on était quand même loin de la nervosité d'un Street Fighter au niveau du gameplay, quoi. C'était un perso qui s'appelait Skullomania, c'est ça, c'est possible ça. C'est ça. J'y ai joué. Bah, en fait, en termes de gameplay, il était bon, il y avait masse de combos à faire, et il était super agréable à jouer et à prendre en main. Et c'est marrant ça, parce que j'ai vu ça récemment dans des streams et tout, c'est que le jeu à l'époque, il s'est fait démolir par la presse, je me rappelle, mais qu'il a quand même une fanbase assez importante au final, et mais en fait, pas du tout par pitié. Hein. C'est pas compliqué, ceux qui aiment Street Fighter, en général, ils aiment le jeu. Oui. C'est rarement un jeu clivant dans la fanbase Street Fighter, comme ont pu l'être Street 3, Street 4 ou Street 5. Peut-être le troisième épisode est un ton en dessous sur PS2, il est moins... J'ai très peu joué, moi, par contre. J'ai jamais joué, donc pour le coup, je sais pas. Je sais que j'ai IX et IX de plus, je crois, c'est ça. C'est ça. Quelque chose de X plus alpha, et enfin, ouais, voilà. Ils ont des noms un peu tordus sur PS1. C'est IX plus et IX de plus, un truc comme ça, non. Mais ouais, c'est vrai que Garuda, comme dernier boss. Les gens qui aiment Street, effectivement, le X plus alpha, ils l'aiment. Moi, je l'aime bien, hein. C'est un jeu qui est très agréable à jouer. J'ai jamais testé, tu vois. Bon, tu passes outre la 3D, parce que ouais, ça reste de la 3D balbutiante. Et puis en plus, le jeu, il introduit des mécaniques sympas, des mécaniques de cancel, où on t'explique pour la première fois comment on fait. Oui. Pour le coup, c'est très bien. Voilà, tu peux faire, par exemple, bas moyen pied, Hadoken, super. Tu peux corser les parades, machin, et refaire un truc derrière. Mais en termes de gameplay, il y avait masse de combats à faire et tout. Ah, carrément. C'était super stylé dans le jeu. Tu avais même aussi un mode. Bien sûr, tu avais le mode training, mais tu avais le mode où on te demandait de faire des combos. Je ne sais plus comment ça s'appelle ce truc-là. Mode challenge, un truc comme ça. Oui. Oui, mais qu'ils ont repris ensuite en termes de training. Hein, mais j'ai passé du temps, tu vois. Putain. Bah, après, Scoolomania, c'est un perso qui est revenu, là. Bah là, ils ont ressorti. Hein, comment s'appelle ce jeu, là? Ah, putain, j'ai un trou de mémoire. Ils ont ressorti un jeu il y a pas longtemps. Bah oui, Arika, ils ont sorti un nouveau jeu où il y aura Scoolomania dedans, quoi. Ah, donc, c'est pour dire qu'il y a... Les gueules, pas trop quoi. Je me rappelle plus. Mais ouais, ils ressortent. Ça veut dire que ça a quand même marqué. Voilà. Après, moi perso, en termes de gameplay, j'avoue que je trouve Rival Schools. Fighting meilleur. Voilà, merci. Rival Schools, je trouve Fighting, je connais pas et tout. Que je trouve Rival Schools un petit peu plus fun. Après, il y a eu des tentatives comme Star Gladiator, que là, par contre, on va en parler. Moi, je préférerais aussi Rival Schools. Star Gladiator, c'est particulier. Rien que pour le côté lycéen, déjanté avec les profs et tout, je trouve ça rigolo. Ben, taper quelqu'un un coup de ballon. C'est cool. Ballon de volée, là. ce jeu là, c'était rigolo, moi je... Ah, c'était bien. Joué, c'était... Oh, c'est marrant parce que il y avait la version PlayStation et la version arcade quand t'achetais le jeu sur deux CD sur PS1. Ouais, je me rappelle ouais, pas. Il y a deux CD ouais, sur PS1. Oui, mais dans le jeu sur PS1, t'as deux CD, version PlayStation avec tout un tas d'options possibles, et l'autre CD c'était version arcade. Et après, sur la suite, sur Dreamcast, Project Justice, ça fait partie des jeux qui sont cotés. Ils coûtent tellement cher. Je suis tombé sur un Rival School en boutique cette semaine. J'étais étonné de voir que le prix n'a pas monté tant que ça. Ouais, mais il devait être quand même assez conséquent. Non, même pas. Non, il manquait juste la notice, mais il était pas le prix était. Non, le premier Rival School, ça reste quand même. Project Justice, lui, par contre, il a tendance à passer les 100 euros maintenant, c'est moins drôle. Bah, mais... carrément. Et juste un petit mot pour prendre un point de vue un petit peu plus recul de ça, parce que à l'époque NES, Super Nintendo, Mega Drive, Master System, tout ça, Capcom sortait des jeux donc sur les consoles Nintendo. Et quand même, notez ce qui s'est passé avec l'arrivée de la PlayStation et de son gros portefeuille pour la mettre dans les foyers à coup de publicité. Oui. Capcom ne sortira que 3 jeux sur Nintendo 64. Ah oui. Genre. Amour un jour, amour toujours, ben non. Ben non du tout. Et c'est vrai que ça fait très bizarre de voir Capcom, qui est donc a fait des jours heureux de la NES et de la Super Nintendo, sortir donc énormément de choses sur PlayStation d'une part, et sortir aussi pas mal de choses sur la Saturn. Puisque autant en Europe, on n'a pas trop vu les choses en Europe sur Saturn, mais au Japon... les gens avaient la chance d'avoir le fameux RAM Pack. Oui, oh oui. Qui leur permettait de jouer donc à Final Fight Revenge, à Dungeons & Dragons Collection, à tout ce qui était Marvel et Street Fighter versus, voilà, et à Street Fighter Alpha 3 dans une version qui défonce. Oui, avec une animation de malade. Qui est réputée pour être la meilleure. On a eu cette discussion en Beyond, je sais. Mais... oui, je dis rien. Je mets la Dreamcast, je vais me taire. Ben, je l'ai sur Dreamcast aussi, mais je crois savoir que la version Saturn est meilleure. Enfin, est-ce qu'il paraît mais... voilà. Et après, ils ont sorti que 3 jeux sur 64. Oui. Ah ouais, le support cartouche les a un peu dégoûtés. Il y a un Tetris, et après c'était Megaman et Resident Evil 2. Ah, et en plus c'est un Tetris, ouais, ça fait pas rêver. Hein. Ah oui, donc nous on en a eu que 2 en plus en France du coup. Voilà, ouais. Parce que le Megaman il n'est pas sorti. Le Megaman 64, il n'est pas sorti chez nous. Non. Ouais, et pour rester sur la période PlayStation, il y avait quand même l'arrivée de Capcom dans un nouveau genre, un peu. Enfin, nouveau genre, qui avait commencé quand même sur Super Nintendo. C'était, ils en ont fait très peu, c'était les RPG aussi. Breath of Fire a commencé sur la Super Nintendo. Ouais. Et effectivement, je pense que le passage à la 3D est peut-être un peu moins marquant sur ce genre-là. Breath of Fire 3 et 4. J'aime beaucoup les Breath of Fire. Ah, moi aussi, hein, franchement. Et sur PS1 particulièrement. Et je les trouve vraiment meilleurs sur Super NES. Vraiment. Sur Super NES, le 1, c'était un peu une purge quand même. Hein. Ça a trop mal vieilli. Ah ouais, voilà. Il était pas clair. En fait, mais déjà, même à l'époque, il était pas clair le jeu. Oui. Tu savais pas où aller, quoi faire, comment, qu'est-ce qui se passe. Non, après, graphiquement, c'était pas terrible. Le 2 est bien. Le 3, j'aime beaucoup. Et le 4, je trouve. Mais le 3 et 4, ils sont absolument merveilleux, hein, sans déconner. C'est vraiment. Après, tu vois que c'était pas leur genre de prédilection, le RPG. Ils ont essayé, ça a donné quelque chose qui était pas mal. Ah, ils sont vraiment bien quand même. Ah, oui. Ils ont essayé. Mais c'était la mode, hein. Tu sais, tous les éditeurs à l'époque voulaient avoir son RPG. Ah, il fallait des RPG partout, ouais. Ouais, voilà, même Neo Geo, enfin, SNK l'avait fait avec, tu sais, le Samurai Shodown. C'était la même époque, hein. Ils sortaient tout en même temps. Enfin, bref, voilà. Et donc, ouais, comme tu l'as dit, Chou, peu de temps après, Capcom décidera de devenir un partenaire privilégié de Sega avec sa Dreamcast. En partie justement parce que... Je dis choix lucide. Ouais, mais d'un autre côté, si dans les Capcom, t'as plus rien sur Dreamcast en fait. Sega avait un vrai hardware, donc la Naomi, qui était l'équivalent de la Dreamcast en arcade. Et Capcom, qui était sorti déjà sur Naomi, je crois, un truc comme ça, non? Et non, j'ai les conneries, c'était CPS3 First Strike. Et donc, sur le coup, Capcom a utilisé le hardware de Sega, donc c'est là qu'on commence à avoir des mariages en arcade un petit peu où, attention, pour sortir des jeux qui donc ont été très facilement portables vers la Dreamcast. Des jeux, certains, on en avait parlé lorsque on avait fait le spécial Dreamcast, sont un peu oubliés, comme du Cannon Spike par exemple. J'adore Cannon Spike. Ou les Power Stone. T'as aussi les Capcom versus SNK qui ont été développés sur Naomi, non? Oui, les Capcom, les CVS, CVS 1 et 2. Ouais. T'as aussi plusieurs Guilty, enfin pour le coup on est plus. Et Marvel vs Capcom 1 et 2 aussi, qui ont fait les beaux jours de la Dreamcast bien avant la PS2 et la Xbox, hein, parce que Marvel vs Capcom 2, c'est la seule vraie version aussi sur Dreamcast, les gars. Il faut le dire, hein. Disez-le aux gens. Et en plus, donc, il y a quand même offert à la Dreamcast en Resident Evil inédit. Avec Code Veronica, qui pour moi est... C'est le jeu qui m'a fait acheter la console. Et le vrai Resident Evil 3, mais bon, c'est une longue histoire. Je pense que c'est le vrai Resident Evil 3, et je pense que le 3 est juste appelé 3, juste histoire de ne pas perdre trop les joueurs PS1 au passage. Mais c'était ça à l'origine, de toute façon. Ouais, c'était vraiment... Enfin bref, c'était vraiment Resident Evil 3. Mais comme tu dis, Chou, c'est vrai que c'est impressionnant, tu retires pas mal de jeux Dreamcast de la Capcom de la Dreamcast. Ça fait un gros vide quand même. Hein. Ah oui, carrément. Carrément. C'est pas compliqué. Mes meilleurs souvenirs Dreamcast, c'est quoi? Bon, allez, t'as peut-être un Crazy Taxi vite fait parce que j'avais dû jouer au jeu une fois ou deux en arcade. Bon, les Sonic Adventure, j'ai pas trop kiffé. T'as quoi? T'as Code Veronica, t'as tous les jeux de baston Capcom, et après, ben. Bah, t'as Shenmue. J'ai pas aimé. À l'époque, mais même encore maintenant. Oui, non, mais après, en termes de jeu, ce qu'il y avait. Pour le coup, j'essaie de me souvenir de ce que j'ai joué à l'époque sur Dreamcast. Si tu retires les jeux Capcom, pour moi, en tout cas, c'était vide. Bah, moi, c'était Virtua Tennis, surtout NB2K. Moi, c'est NB2K qui m'a fait acheter la Dreamcast. Ce qui n'est pas étonnant. Hein. Et après, donc, ce qui est marrant, c'est de voir que Capcom va faire. Après, tout ce qui est logique commerciale pour une entreprise, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de voir toutes les opportunités qui s'offrent à eux, mais en n'oubliant jamais quand même que la raison du plus fort est toujours la meilleure, et en se disant, bon, finalement, les gars, désolé. Et donc, on a retrouvé pas mal de jeux Dreamcast sur PS2 peu de temps après, avec les portages de Code Veronica, notamment. Un portage qui n'était pas fameux, d'ailleurs. Voilà, qui ont dû faire mal au cœur pas mal de gens. Après, ça reste quand même bien, mais bon... Capcom s'est dit, on va tenter un partenariat avec Nintendo pour sortir des jeux sur la GameCube. Donc, avec... Ouais, c'est Capcom ça. 5. Capcom 5, ouais. Voilà, en créant des personnages quand même pour Nintendo comme Beautiful Joe. Ouais. Ouais. Ouais, et là, tu te dis qu'en fait, qu'à chaque fois qu'ils soutiennent une console, c'est pas bon signe. Quoi. En sortant le fantastiquement pas bien PN03. J'allais en parler. Qui me vendait du rêve au début quand il est annoncé. Non, mais il a vendu du rêve à tout le monde, en fait. Et ouais, quand il est sorti, tous morts, j'ai fait oula, bah, j'ai même pas joué tellement il s'était fait descendre partout. J'ai fait bon, bah. J'ai essayé. C'était pas très bien. D'accord, bah voilà. Et qui ont aussi donc offert à la GameCube le fantastiquement pas terrible Killer 7 aussi. Que je sais pas, il faut prendre. Tu vas te faire des ennemis. Ouais, je vais devoir te modérer, Bion, parce que sinon la chaîne va pas survivre là, après ce que tu viens de dire. Désolé, après, je dois admettre que même moi, Killer 7, je suis assez hermétique. Il est barré le jeu. J'ai jamais fait. Vrai. Je l'ai acheté sur GameCube en plus en import récemment. Je me suis dit, c'est un jeu, il faudrait que je le fasse un jour. Mais j'ai jamais osé en fait, parce que le jeu m'a l'air complètement. En même temps, c'est pas non plus développé par Capcom, c'est grâce au Pearl Magic. C'est grâce au Pearl, ouais. C'est Sudaguchi, de toute façon, non ? C'est ça. Ah, mais c'est. Oui, non, mais de toute façon, tu vois que c'est un jeu Sudaguchi, de toute façon. Ça se voit. Et enfin, oui, Capcom avait offert la GameCube, ce qui était sans doute deux les trois jeux, justement, qui étaient censés. Vraiment faire vendre des GameCube, c'est-à-dire le Resident Evil Gaiden, le Resident Evil 0 et surtout le Resident Evil 4. Bah, le Gaiden, c'est ce qui m'a fait acheter la GameCube. Voilà, j'ai acheté ma GameCube avec le Resident parce que c'était. Et c'est encore un jeu exceptionnel maintenant. Hein. Et c'était d'ailleurs, je crois, c'est la première fois moi que je voyais ce qu'on appelle un remaster maintenant. Oui. Mais vraiment bien fait quoi, pas juste un portage, un vrai remaster quoi. Et je connais pas tous les jeux. Je connais pas tous les jeux vidéo, mais celui-là, je me souviens, ça m'avait marqué parce que je me souvenais de Resident Evil, il y a un pote qui jouait sur PlayStation. Je trouvais ça dégueulasse. Enfin, j'ai jamais aimé les Resident Evil, mais bon bref. Et là quand sur GameCube, la vache, le boulot qu'ils ont fait quoi. Je crois encore actuellement, c'est le beau remaster d'un jeu qui a été fait. Le 2 là qui vont sortir là, ça annonce pas foutage de gueule aussi de ce niveau-là. Ah ouais, ah oui, peut-être. Mais actuellement, c'est vrai que pour moi, le premier reste le plus beau en termes d'éclairage. Rejouez-y. Ah ouais, c'était dingue. Tu voyais avant après, là tu voyais une différence. Mmh. T'étais là. Ah mais totalement. Et puis ils avaient rajouté des pans de scénario. Ouais. Des nouvelles mécaniques de jeu. Le jeu, il avait été refait du sol au plafond quoi. Ouais. Et encore aujourd'hui, il est pas facile. Non, pas du tout. C'est un jeu méchant même. Ouais, mais surtout jouer en plus avec la manette GameCube, il faudrait que j'y joue. Ah ouais, mais non, mais moi, tu vois, c'était pas la difficulté pour moi, parce que Madame GameCube, je trouvais ça super jouable en fait. Ouais. C'est bête, portages, hein. Mais... Avec les portages récents sur PS4, et peut-être sur moi, je m'en rappelle plus, t'as les deux maniabilités. Hein. Bah là, j'y rejouais sur PS4 parce qu'il l'avait donné gratuitement, gratuitement. Il l'avait offert avec le PS Plus. Oui. Donc j'y ai rejoué et j'ai repris exactement la même claque. C'est toujours aussi beau. L'ambiance sonore, elle est. Ouais, je l'efface là dans le un jour, je pense, parce que. Ça m'a l'air d'être agréable saga à jouer. Faire. Et donc, comme je disais, mais la raison du plus fort est toujours la meilleure. Et malgré tout, Capcom va abandonner lâchement la GameCube et ses chiffres de vente décevants et porter Killer 7, Resident Evil 4 et Beautiful Joe sur la PlayStation 2 sans race, voilà. Peu importe, rien à foutre. Voilà. Ah mais c'est Capcom, hein, tu sais. Hein. Et... ils vont là où le vent les porte. Hein. On pourrait parler d'un petit truc qui s'est passé sur console portable aussi, Capcom, et que Nintendo a quand même confié au jeu à Capcom. Oui. Alors, il se trouve que Nintendo a confié quand même. Une licence qui leur tient légèrement à cœur. Un peu, ouais. Je suis pas fou, quand même. Hein. Et attendez, vous allez halluciner, mais je vois pas de quoi vous parlez. Non. Alors, tant que Pen n'a pas trouvé, on n'arrête pas le podcast. Voilà. Arrêtez. Ah bah, on est là pour aller là pour un moment, hein, je vous le dis. Non, je vois pas. C'est vrai. Ah là. Ah là. Bon, on va le faire mariner, alors on en parlera après. Alors, je te donne des indices, petite pelle. c'était sur Game Boy Color la première fois. Il y en a eu plusieurs. Et après, il y en a eu aussi sur Game Boy Advance. Il y en a eu un sur Game Boy Advance. Des portes à Nintendo. Ouais. Sincèrement, tu vois pas ? Non, je vois pas de quoi parler, mais on a fait le tour de tout. Le héros, il a une. Et en plus, remarquez en même temps que Pen ne lit pas le chat. Non, mais tant mieux, tant mieux. Il a une team verte et le nom du jeu, c'est pas le nom du héros. Ah oui, c'est vrai. Et oui, c'est gros débat, parce que c'est vrai que Guillaume. Il a à dire sur cela, je crois. Non, bref. Chaque fois que ça arrive, il faudrait faire durer plus longtemps. Non, vous savez, partenariat donc entre Capcom et Nintendo pour la sortie de, non pas deux au départ, mais trois épisodes de Zelda sur Game Boy Color, qui finalement seront commués en deux épisodes, l'Oracle des Âges et l'Oracle des Saisons. L'Oracle du Temps, c'était le dernier, étant abandonné, c'est ça ou... Comment est-ce qu'il s'appelait? Je sais plus comment c'est lequel, mais oui, il a été abandonné... Voilà. Et ensuite, ouais. Donc ça marchera tellement bien que sur le coup, ils renouvelleront le partenariat pour The Minish Cap. Oh. Alors, autant personnellement, il n'y a pas de débat, j'aime beaucoup Minish Cap, autant les deux oracles, je ne les aime pas, je suis désolé. Ah, c'est ce encore que tu veux m'entendre dire, Pelle. Je suis désolé, je ne les aime pas. Alors là, tu voulais le bannir, moi. Oui, c'est ça. Du coup, je savais pas, non. Mais maintenant que j'ai entendu ce qu'il avait à dire, je. Voilà. Bah, disons que tout ce qui faisait que Link's Awakening était sympa, l'accessibilité, la fraîcheur, l'agréabilité à jouer, devient long, chiant, pénible, labyrinthique, abscon, blablabla. J'ai jamais fini les deux. Le pire, c'est que je les ai achetés sur console virtuelle. Donc, oui. Non, moi, je les ai vraiment bien aimés. Je les ai jamais finis. Je les ai bien aimés. Par contre, Minish Cap, je me suis éclaté. Il y a aussi une chose dont on n'a pas parlé, c'est la flopée de jeux de chez Capcom qui ont été annulés. Il y a un portage de Street Fighter 2 sur NES qui est annulé, voilà. Il n'y a pas une version pirate de ce jeu? Si, on va sans doute. Si. Il me semble avoir vu tourner sur NES. Mais il y a même Final Fantasy VII sur NES maintenant. Donc, oui, mais... Enfin, pour le coup, il y a eu aussi des jeux sur Game Boy Color aussi, comme un Dino Crisis, qui avait été annoncé puis annulé. Il me semble qu'il y a Resident Evil, sur Game Boy Color. Bah, il est sorti, le Gaiden, sur Game Boy Color. Gaiden, son GBC, il existe. Ouais. Ah, okay. Il existe. Ouais. Alors, c'est tout à fait anecdotique. Hein. On va dire ça comme ça. Enfin, pour le coup, il y a quand même une flopée de jeux. Il y a aussi une flopée de jeux où ils ont teasé les jeux, puis finalement derrière, il n'y a rien. Il y avait une suite à Maximo sur PS2, je crois qu'ils se souviennent. Oh, Seigneur Maximo, je voulais en parler justement avec les jeux PS2 et les licences PS2 créées par Capcom sur la PS2. On avait donc Maximo qui se voulait être entre guillemets la suite spirituelle de Ghouls and Ghosts et de Ghosts and Ghosts. Oui, parce qu'il y a le caleçon. Ouais, mais je pense que c'est plus que spirituel quand même. Qui était sympa, qui a connu deux épisodes et qui est tombé vraiment dans les limbes, pareil. Je déteste Maximo. C'est pas des jeux qui ont dû marcher des masses à l'époque, je pense. Pas beaucoup, non. Les chiffres de vente étaient très bien. Je l'ai eu à la sortie. Ça m'a pas marqué tant que ça. Ouais, moi, j'ai beaucoup de problèmes avec ça. Par contre, dans le genre, ils annoncent des jeux qui sont reportés, annulés, tu sais pas quoi. T'as Megaman Universe. Qui se souvient du jeu, je sais pas. Bah, c'était un jeu qui devait sortir sur 3DS. Non, même pas. Je confonds encore avec un autre. PSN Xbox Live. Et t'as aussi un Darkstalkers qui avait été teasé, et puis d'un seul coup, ils se sont aperçus. Mais parce que Megaman Universe, ça devait être dans l'univers justement de Megaman Legends. Faut pas me demander pourquoi, mais il a sa communauté, ce jeu. Oups là, pardon les gens. Je suis en train de parler de Minish Cap et je pensais à une musique qui est absolument fabuleuse dans le jeu, donc je vais en faire profiter le chat aussi, la musique de la forêt. Ah là là, mais c'est une de mes préférées aussi. Hein. Merci Rodin Pandarex si tu aimes Megaman Legend. Ah là, la musique de Minish Cap dans la forêt, elle est... Pour terminer, pour parler rapidement des licences PS2 quand même, qu'il faut légèrement évoquer. Capcom a récupéré donc du Clock Tower à l'époque, a sorti Clock Tower 3 et un spin-off de Clock Tower appelé Haunting Ground, parce qu'on parle souvent de Resident Evil, on oublie quand même qu'il y a d'autres jeux qui existent. J'adore. Haunting Ground est un très bon jeu, vraiment. Il s'appelle Demento au Japon. C'est un jeu qui est vraiment agréable à jouer. Et Clock Tower 3, il faut y jouer, c'est très glauque, mais c'est tellement... Et il y a deux licences majeures que Capcom a sorties sur PS2 qui sont Megaman, Moa l'adore, Onimusha, c'est ça? Onimusha. Ah non, c'est l'autre, mince. Et Okami. Et Devil May Cry. Ah putain, ouais, Devil May Cry. Ah putain. Ah. Non mais attendez, l'épisode préféré de moi, Devil May Cry, c'est celui qui n'a pas été fait par Capcom. Ah, ah bon? Non? Arrête, voilà. Tu aimes bien celui de Ninja Theory. Alors, ah non, mais je ne l'ai pas fini. Justement, il faut que je le fasse, je ne l'ai pas fini. Bah non, oui, pour l'instant, mon Devil May Cry préféré, j'hésite entre le 3 et le 4, je ne sais pas. Mais le 1, enfin... Moi, ça, allez, ça restera le 1. Le 2, dans un jour où je ne suis pas trop de mauvaise humeur... Le 2, si tu as envie de le vendre aux gens, tu dis qu'il y a des hélicoptères et des tanks en forme de tub. Ouais, non. Mais ce n'est pas un mensonge, malheureusement. Et pourtant, le premier Devil May Cry partait très mal. Il faut s'imaginer que ça fait partie de ces jeux où, à l'époque, Sony faisait un gros doigt aux joueurs européens. Ils nous sont sortis de jeu en 50 Hz et avec des bandes noires dégueulasses. C'est ça. C'est vrai. Et pourtant, j'ai kiffé le jeu. Je serais mais pas... Moi aussi, hein. Moi aussi. Mais quand je l'ai fait, par contre, dans la version remaster là, qui était sortie sur Xbox et tout, là, j'ai encore pris une autre claque parce que du coup j'avais le jeu en version 60 Hz et tout. Et je me suis dit, putain, la vache, c'était sacrément nerveux le bazar quand même. Hein. Et excellent. Mon Devil May Cry, c'est vraiment le renouveau du beat'em all, quoi. Pas seulement moi, 3D, 2D. Hein, j'aime que le premier. Toi. Et vraiment pris ma claque. Le 2 était vraiment de ça. C'était pas très bien. On attendait trop, j'en sais rien. Des persos tout petits, vu éloigné, c'était pas bien. Et puis le deuxième personnage jouable qui était pas intéressant et tout. Pour moi, le 3, j'aime beaucoup le 3 parce qu'ils sont encore partis dans un autre délire de n'importe quoi. En fait. Moi, j'ai beaucoup de mal avec le 3 en fait. C'est Dante qui m'énerve. Le jeu en lui-même, techniquement, il y a des trucs, tu peux faire des trucs de fou. Alors que justement, moi, j'adore quand ça devient n'importe quoi un jeu. Ouais. Tu sais, quand tu fais du surf sur une pizza. Bah ouais, mais voilà, bah moi, j'adore ce genre de conneries. Voilà. Je m'en suis toujours pas remis. Et après, oui, un peu plus loin sur PS4, le 4, pour moi, est celui qui a le gameplay le plus abouti, vraiment. Oui, mais le fait de refaire la même chose encore... Comme ça, c'est Capcom, ça, ouais, effectivement. Ouais, je sais, mais ça, c'est quelque chose qui m'a... Et du coup, voilà, ça pour dire que j'attends beaucoup le 5 et que je vais probablement prendre mon pied dessus. J'attends aussi celui pas Capcom, et qui a l'air bien, quand même. Bah, celui de Ninja Theory, moi, je peux le dire, je l'aime beaucoup. Hein. Les gens ont chié dessus. Mais ça reste un jeu qui est super solide. C'est un jeu drôle à jouer, il est bien. Ouais, avec Devil May Cry, ils ont vraiment tapé un grand coup. Ça devait être un Resident Evil d'ailleurs à la base. Hein. Oui. Ce qui se ressent dans certains plans, parce que t'as vraiment les plans fixes de Resident Evil en fait. Ton perso bouge vraiment partout. Oui, Camilla au dernier moment a changé. Oui, ça devait être un spin-off de Resident Evil, ouais, c'était présenté comme ça. Bah finalement, ils ont bien fait de changer. Hein. Et Onimusha, par contre, c'est une série qui m'a toujours intrigué, mais à laquelle j'ai jamais joué. Je sais qu'il y en a eu un avec Jean Reno, mais après. Onimusha 3 est exceptionnel. Ouais. Ouais. Mais vraiment, hein, c'est kitsch, c'est Paris, c'est des démons, c'est... c'est surréaliste. Mais ça reste des jeux avec un bon gameplay. C'est vrai qu'ils avaient essayé de vendre un. C'était Shin Megami Tensei 3, je crois, en Europe. Vous avez mis avec Dance from Devil May Cry. Oui, c'est ça. C'était le Nocturne. Enfin, oui, Lucifer. D'accord, Lucifer Scott chez nous. Qui est devenu un putain de même comme Ronan. Nocturne. Non, mais après, le Onimusha, oui, les Onimusha, ça reste une très très bonne série qui s'est éteinte toute seule, comme une grande. Il me semble qu'il y a quoi ? Il y en a 4 d'Onimusha. Hein. Je sais pas du tout, j'en ai pas. Et plus un jeu de combat, il me semble, Onimusha Warlords, si je me trompe pas. Parce qu'ils ont essayé de faire un. Mais oui, Onimusha, ça reste pour moi une très bonne série. Assez sous-côté, c'est vrai que ça s'est pas super bien vendu et que la majorité des gens ont oublié que ça existait. Bon, pour faire autant d'épisodes, c'est que pas du passé inaperçu. Oui. C'est que ça a marché, même d'un point de vue financier, c'est que ça devait être suffisant. Ouais, mais tu remarqueras, c'est que sur une machine, quoi. Ça a été vraiment, PS2. Point, Capcom, il voit que ça marche pas, il laisse vite tomber, hein, quand même. Hein. Bah, oui, voilà. C'était une machine, jamais de réédition. Oui, oui. J'avais envie de conclure justement en parlant de ce que Capcom a fermé à l'époque, c'est-à-dire les. Juste pour finir sur la PS2, les deux derniers jeux, donc les deux derniers jeux d'un studio qui n'a pas fait des masses. Hein. Les deux derniers jeux du studio Clover de Capcom qui a été fermé après. Donc, alors, une masterpiece avec Okami, dont on ne perdra jamais assez en disant que malgré un début de jeu qui franchement me donne envie de me pendre à chaque fois que j'y rejoue. Tu sais que dans les tellement... dans les versions qui viennent de ressortir là, tu peux faire start et ça zappe les cinématiques. Ah, grand Dieu. Donc quand tu les as déjà vues une fois, c'est bon. Hein, c'est hop, un bon, jeu exceptionnel de bout en bout et qui va vous tenir 45 heures si vous voulez faire un 100%. Hein, donc, et voilà, je déteste Okami, je déteste Okami, je déteste Okami. Okay. Et l'autre jeu du Studio Clover et Bosdick en fait hein, dans le podcast du collectionneur. C'est pas possible ça. L'autre jeu du Studio Clover qui est un peu oublié aujourd'hui, qui est God Hand. Ouais. Par contre, lui, j'aurais plus de mal à dire que je l'aime parce que c'est quand même très compliqué. Hein. Puyo de Gamekult, on pense très fort à toi. Celui-là, j'ai jamais fait, mais moi, j'en ai entendu que du bien par contre de celui-là. Donc, mais ouais, moi aussi. Comme quoi, c'était un putain de beat'em all en fait. En fait, les avis sont pas. C'est soit t'aimes, soit tu détestes. Y a pas juste c'est un jeu qui a tellement divisé. On dirait une espèce de mix entre un Ken le survivant sur Mega Drive, c'est-à-dire Last Battle, et des combats façon Yakuza. Oui, mais à vue d'épaule. C'est super bizarre, c'est super dur. En termes d'ambiance, c'est what the fuck. Le jeu est impardonnable, et surtout le jeu te permet de faire des mauvais choix. C'est ça qui est génial. C'est que si tu fais des mauvais choix à la fin d'un niveau, genre pas acheter les bons trucs, après, t'es genre baisé. Voilà, on aime tellement. Et ce qui est magique, c'est que God Hand, tu pouvais le trouver dans n'importe quel cache à 1€. Mais à quel point le jeu, tout le monde s'en foutait. J'aurais moins tendance à rejoindre Rodin sur ce coup-là. Okami, pour moi, est meilleur que certains Zelda. Hein. Bah, sachant que j'aime pas les Zelda en 3D, je vous laisse imaginer pourquoi j'aime pas Okami. La structure du jeu en elle-même. Je m'assois sur ton visage, moi. Moi, c'est que il est sorti quasiment en même temps que Twilight Princess. Oui. Et du coup, qui a copié qui? C'était de la polémique à l'époque. Ah oui, copié. Non, mais tu te rappelles dans les magazines. Je me souviens. Il le disait. Mais ouais, non, bon. Et ouais, donc Okami. Mais alors Okami, pour moi, c'est une énigme, ce jeu. Je ne comprends pas. Donc tout le monde dit que c'est le meilleur jeu du monde. Personne n'y a joué. Personne n'achète. Il ne s'est pas vendu. Mais pourtant, je crois qu'il y a très peu de jeux qui sont sortis sur autant de plateformes que Okami. Hein. Oui. C'est-à-dire que Capcom, je ne sais pas, est-ce qu'ils croient vraiment en ce jeu et ils disent, putain, mais c'est vraiment un chef-d'œuvre, il faut vraiment que les gens y jouent. Est-ce que le jeu... Ils se disent, putain, on a mis tellement de pognon dedans, il faut absolument qu'on le rentabilise, sais pas comment... Ils capitalisent sur la fanbase qui va acheter le jeu sur tous les supports. J'en sais rien. Je plaide coupable, d'ailleurs. Non, mais autrement que toi. Effectivement, les gens qui aiment le jeu, les gens que je connais qui aiment le jeu, sont prêts à l'acheter sur tous les supports. Et donc, oublions pas le petit frère Okamiden sur ADS. Pareil, Okamiden, il est mignon tout plein comme jeu. Si vous pensiez qu'Okami c'était bavard. Ah oui, lui il a réussi à faire pire. Mon Dieu. Mais il est super mignon. Ah non, le jeu bien aimé aussi parce que j'aime bien l'ambiance, l'univers, tout ça. Par contre, il est un petit peu moins bon. Et c'est vrai que par contre, lui, le dialogue. Il rigole zéro. Par contre, Okamiden, ça fait partie de ces jeux sur DS qui commencent à coûter une blinde. Hein. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup aussi. Hein. Bah ouais. Ouais, ok, mais lorsque tu disais à l'instant, moi, juste avant avec Capcom, sur la décision de publier autant de fois Okami, ça revient à ce qu'ils avaient dit il y a quelques jours à peine, là, justement, il y a une semaine, c'est leur déclaration. Hein, comme quoi Capcom ont déclaré justement prendre autant compte des notes que des ventes en réalité. Ah c'est vrai, c'est vrai qu'il a eu des bonnes notes. Mais ce que je veux dire c'est qu'avec Okami, c'est pas il ressort non seulement il ressort le jeu sur plein de plateformes, mais en plus ils ressortent le jeu à chaque fois dans des éditions collector mais de ouf. Avec des goodies, mais tu te dis mais c'est incroyable quoi, le jeu de cartes Anafuda, le coussin pour jouer là dans le il y a un bijou en argent pour la version Switch, en fait qui compte justement pour eux c'est peut-être un catalogue donc qui les met en avant quoi. Tu sais, ils peuvent être fiers du titre ils ont d'autres titres desquels ils pourraient être aussi fiers je pense quand même Capcom ils ne font pas ce genre d'effort quoi. Ouais c'est possible. Après je pense que c'est un truc bien particulier Okami, c'est le folklore japonais. pense aussi qu'il y a ce côté-là qui fait que le jeu, ils ont envie de le ressortir à l'envie. Je pense que ouais, ils se disent, voilà, c'est un c'est peu vraiment, une ode à notre culture à nous. C'est vraiment un jeu bien, bien typé japonais. Ah oui, bah, je dis. Là, c'est, voilà, la DS. Et c'est possible que ces jeux-là, justement, marchent mieux en Occident que chez eux, en réalité. Hein. Quand peut-être on voit Muramasa, qui a marché, mieux marché en France qu'au Japon, Muramasa, putain, ouais. Tu vois, c'est quand même surprenant, ouais. Non, après, oui, Rodin Pandarex, Capcom, ils font... La mère depuis des années, il réédite ça, malheureusement, c'est pour, années, c'est pour, mais ça, c'est pour une autre histoire. Parce oui, que nous, on, fera plus on a tard, parlé de nostalgie, on a parlé des belles années avec des petits yeux qui brillent de là, notre jeunesse. Je vous avoue, voilà, je vais répéter ce que j'ai dit en coulisses, mais j'avais proposé ce sujet parce que ces derniers temps, on leur en mettait plein la gueule à Capcom. Hein. Et à juste titre, hein, c'est pas parce qu'on les aime pas, c'est qu'ils font. Il y a des choix qui sont. Je pense surtout que dès l'instant où t'as Sony qui injecte du pognon dans un jeu comme Street Fighter V, ils se disent, bah, de toute façon, étant donné qu'ils ont payé, on leur donne ce qu'on a. Mais ouais, non, mais voilà, mais je veux dire, voilà. Et avec Marvel, bon, qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il y a deux ou trois ayants droit différents selon des personnages, on s'en fout, on leur donne ce qu'ils auront, et puis bah. Voilà. Ouais, moi, je voulais juste dire, voilà, c'est pas qu'on n'aime pas Capcom intrinsèquement. C'est justement, on est déçus de ce qu'ils sont. Parce qu'on les adore. Ah, carrément, ouais, carrément. Ben ouais. Mais quelque part, des jeux décevants Capcom, ça a toujours existé aussi. tu prends même déjà à l'époque de la PS3, le premier Marvel versus Capcom 3, la première monture. T'es vraiment dégueulasse. Bien sûr qu'il y a des jeux dégueulasses. Mais bien sûr, ils ont toujours fait des trucs. Mais par exemple, tu prends une collection Megaman, la Legacy Collection. Là. Je prends juste la collection Megaman. Là, qui te vend dans deux exemplaires à plus de 40 balles. Sur PS2, on n'en a pas parlé, mais cette collection a déjà existé. Ouais. Ouais. Pas de 9 et 10, mais elle a déjà existé en un seul CD et c'était vendu 30 balles, un truc comme ça, sur PS2. Mais non, mais ils ont toujours fait ça, ils ont fait une Street Fighter Collection sur PS2. Mais je veux dire... Ils ont toujours fait ça, hein, c'est propre à eux. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, ça pouvait passer et c'était pas bien fait. Là, maintenant, ils se mettent à séparer des trucs en deux. Enfin, la Mega Man X Collection séparée en deux, sans déconner. ils mettent X1 et X4 qui sont vraiment, pour moi, ce qui se fait presque de mieux en termes de jeux d'action plateforme, je schématise. Et puis, de l'autre côté, ils te mettent X5 et X8 qui sont ce qu'il ne faut pas faire en termes de jeux d'action plateforme. Ils se disent, on va les séparer en deux. Mais vous êtes fous! Mettez tout d'un coup, ça tient sur une galette en plus. Enfin bref, voilà. Oui, mais après, comme d'habitude, ça se vend. Ça se vend. Ça se vend. Mais voilà, ils savent très bien. On les sépare en deux, mais les gens vont acheter quand même. Mais voilà. Et malheureusement, donc, bah ouais. Capcom, en ce moment, ils font de la merde. Ils font des trucs bien aussi. Hein. Je pense que Resident Evil 7, globalement, c'est pas. Monster Hunter World, c'est. Je crois que c'est le plus grand succès de Capcom. Oui, ils n'ont jamais vendu autant de jeux. Et même précédemment, il n'y a pas si longtemps que ça, avec Dragon's Dogma, j'en parlais tout à l'heure. Moi, j'adore ce jeu. Il a très bonne réputation. J'ai pas fait. Il est vraiment, vraiment bien. Voilà, après, ils sont toujours capables. Il y a toujours des gens dans le studio qui sont capables de faire de bonnes choses. C'est après une politique. Voilà, mais ça arrive à me mettre encore, moi, des étoiles dans les yeux. Je vous dis, Devil May Cry 5, voilà, j'ai vu le jeu, le petit trailer de 30 secondes. C'était n'importe quoi. Je veux dire, le mec, il fait un ollie, enfin, il fait du skateboard sur un missile et tout. Voilà, bah, moi, j'ai envie de jouer à ce jeu, quoi. Alors que moi, effectivement, ils sont dégueulasses et tout, mais on s'en fout. Je suis moins réceptif qu'avant. Non, mais moi, j'admets, je suis moins réceptif qu'avant. Il y a quelque chose. Les Dead Rising aussi, ouais. Effectivement, Crayon en parle. Ça, c'est plutôt récent comme licence et c'est pas dégueulasse. C'est même plutôt bon. Ça dépend de lequel tu parles. Bah, moi, j'ai fait que le premier, mais. Ouais. Parce que le dernier, aux dernières nouvelles, c'était vraiment un jeu dégueulasse. Mais vraiment, hein, c'est pour le coup, il s'est fait défoncer de partout, les gens l'ont détesté. Il y a aussi Ace Attorney, aussi Phoenix Wright. C'est eux qui ont créé Ace Attorney au Game Boy Advance au départ. Et Ace Attorney, c'est exceptionnel. Et ça marche très bien, hein. Très très bien. Ça. J'en ai jamais fait un, mais j'avoue, ça me tombe bien. Moi j'adore. Et heureusement qu'ils l'ont ressorti sur DS. Hein. Parce que après, voilà, attention, ça reste du visual novel fondamentalement, c'est-à-dire que. Ah oui, si t'aimes pas lire. T'aimes pas lire, c'est alors, par contre, là, c'est à la fois c'est big up à Capcom déjà pour avoir créé cette série, et à la fois carton rouge à Capcom, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez vous les acheter, vous pouvez les acheter sur en dématérialisé. Ouais, il faut les acheter en démat. Ils sont en anglais, je crois. Le gros problème, c'est qu'ils sont en anglais. Ouais, c'est débile ça. Alors qu'ils ont pris la peine de les traduire à l'époque. Il y a les 3 ou 4 premiers qui sont traduits. Hein. La trilogie S.A. Tourné est traduite. Ouais. Sur DS, c'est sorti traduit. Et malheureusement, aujourd'hui, si vous commencez à vouloir acheter Trials and Tribulations sur DS en français, ça ne va pas vous plaire. Du tout. Non. Et voilà. Même si vous voulez acheter les spin-offs avec Miles Edgeworth, Investigation, c'est la même. Le premier est sorti en Europe, mais maintenant il cote. Et le deuxième, il n'est même pas sorti. Si vous le voulez, il faut essayer de le trouver avec une ROM patchée anglais. Parce qu'il est sorti que au Japon. C'est pas cool. Mais voilà, je veux dire, niveau accessibilité, ouais, traduire. Justice for All. Ouais. Justice for All, oui. Mais par contre, Trials and Tribulations. Qui est considéré comme le meilleur. Ah ouais, ouais d'accord, ouais, 70. Voilà. Et là, tu vois, voilà, qu'est-ce qui se passe. Et, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux DS qui cotent à l'heure actuelle, mais celui-là en fait partie. Et ce qui est dommage, c'est que la traduction française, en plus, c'est de elle bonne. Est très bonne. Elle est très très bonne. Moi, je préfère jouer en anglais, parce que j'ai été habitué, effectivement, mais je dois admettre que la traduction française, elle fait. En même temps, quand le cœur de gameplay de ton jeu, c'est les textes, t'as plutôt intérêt d'assurer la traduction. Et c'est, pour... ouais, c'est d'autant là... plus débile de ne pas le localiser. Ouais, mais là, ils ont fait fort, c'est que la traduction, il y a tellement de blagues et de jeux de mots dedans que traduire en français, c'est compliqué. D'accord. Ils ont réussi à le faire. Ils ont vraiment réussi à faire des bons jeux de mots, à vraiment lier le truc. C'est quand même bien. Même avec le nom des personnages et tout, c'est le truc. Paul de Fesse. Et après, on s'étonne que Bozdik, il aime bien. Alors forcément, oui, si tu m'aperçois que ça s'appelle Fesse, forcément, Bozdik, il aime. Bah oui, ça c'est. Voilà. Non, mais moi ça me fera toujours autant rire. Je lui aurais donné un jeu vraiment mauvais, référence à Yves Etorner, il aurait aimé quand même le jeu. Quoi. Non, mais pour dire qu'il Etorny, ça reste quand même une série qui est très très bonne. Bah, oui. Bon, mais sur le coup, messieurs, on n'a pas le temps, donc sur le coup, je vais présenter un jeu, vous êtes d'accord? Je suis encore là. Hein, moi, Time Extension, ça me va très bien. Moi, on n'est pas voilà, mais pas une heure. Il n'y a pas de souci, juste il y a un début d'orage chez moi, donc si jamais je disparais, c'est un peu la tempête. On saura pourquoi. Voilà. Allez, Beyond. Alors, sur le coup, je vais parler d'un jeu, alors on va retourner dans les années 90, aux grandes surprises. Je vais parler d'un jeu, d'une série que j'aime beaucoup, qui est d'un développeur qui s'appelle Compile. Alors, Compile, forcément, ça évoque une série en particulier. Ça va parler Pouillou. Ne serait-ce pas un shoot ? Oh, un shoot 'em up, oui, c'est ça. Et Compile donc, est à l'origine d'une série de shoot 'em up que j'aime énormément, qui sont les LST / Power Strike. Mais la question, c'est duquel est-ce que je vais parler ? Quel est le LST qui m'a le plus marqué ? Moi, je dirais le Super Alès, parce que c'est mon shoot préféré. Super Alès, Super Ouais, voilà, ils le savent, c'est pas drôle. Non, mais c'est Super normal. Super Alès, Space Mega Force aux États-Unis. Parce que tu m'as déjà dit, moi, je me rappelle. C'est normal, mais c'est mon préféré, c'est mon shoot de la vie, Super Alès. Alors, je n'avais pas Super Alès à l'époque, mais j'avais un de mes meilleurs amis qui l'avait. Autant dire que j'y ai joué, et genre, beaucoup. C'est vraiment avec l'époque de la Super Nintendo que j'ai découvert les shoot 'em up et le plaisir de jouer, même si j'avais eu des expériences avec du R-Type, Master System, tout ça. Vraiment avec la Super Nintendo, donc on en a parlé tout à l'heure avec UN Squadron, avec Axelay et avec ce Super LST, j'ai vraiment découvert ce qu'étaient les shoot 'em up. Et ce Super LST, il est exceptionnel, tous les points de vue. Déjà, c'est un jeu qui est long. C'est tout. Alors c'est... Voilà, c'est pas un shoot 'em up que vous allez boucler en 20 minutes. Ça, ouais, c'est clairement non. Il y a beaucoup de niveaux, il y a une douzaine de niveaux, d'une difficulté tout à fait acceptable tant que vous vous cantonnez au niveau de difficulté normal. Ou après, si vous voulez forcer la difficulté, ça va être beaucoup moins drôle. D'ailleurs, soit dit en passant, il y a un petit truc marrant avec le mode de difficulté dans l'écran d'options. Ben je vais en parler tout de suite, c'est marrant, c'est que si vous... Donc le jeu est réglé par défaut sur le mode normal. Si vous allez vers la droite, vous allez passer en niveau difficile et très difficile. Donc vous vous dites, oh, peut-être qu'en allant vers la gauche, il y aura des niveaux de difficulté plus faciles. Sauf que si vous allez vers la gauche, vous passez à un niveau difficile qui s'appelle Tricky et l'autre Wild. Et en fait, Tricky et Wild, c'est les niveaux plus difficiles que le niveau le plus difficile de la droite. Parce que là, chaque sont des petits sacripants, tu sais. Chaque ennemi envoie des bullettes de suicide à l'envi. Ouais. Et donc, le mode normal, c'est le mode le plus simple. Si vous n'y arrivez pas en normal, arrêtez. Juste un autre petit détail par rapport au menu des options de ce Super LST, parce qu'il est notable aussi pour une chose, c'est qu'il y a un pad test à l'intérieur qui vous permet, lorsque vous y allez, de tester tous les boutons de votre pad Super Nintendo. Ça, c'est intéressant. Voilà. Alors, ça a l'air de rien comme ça, mais ça peut être utile. Et moi, à l'époque, je m'en souvenais, si j'avais un doute sur le fonctionnement de ma manette, j'avais fait un petit tour là-dedans. Ouais, ça, c'est intéressant, hein. Vraiment. Donc, Super Lethal, donc, comme je dis, c'est un shoot'em up. Alors, c'est un shoot'em up, alors, évidemment... Il se passe toujours la même chose, à savoir qu'au Japon, on a droit à une histoire, on a droit à des personnages en manga kawaii, on a droit à des séquences d'ouverture et de fermeture du jeu vachement bien. Sauf que lorsqu'il s'agit de localiser le jeu pour les États-Unis, bon, outre le fait de changer la pochette, évidemment, en la rendant pas franchement moche. Voilà, ouais, elle est pas terrible, ben, elle est changer, changer le titre du jeu en l'appelant Space Megaforce, comme si genre ça, ça faisait bien, quoi. Ils ont également viré tout ce qui peut être illustration façon manga, ouais, du jeu, ouais, et tout le scénario par la même occasion, puisque voilà, tout cela disparaît. Putain, le massacre quand même. Et par la même occasion, ils ont aussi changé tout ce qui était voix digitalisée, non seulement des, les voix digitalisées des armes lorsqu'on les prend, mais en plus les voix digitalisées des boss qui certains nous accueillaient avec des phrases et qui sont changées. Alors après, voilà, ça ne change pas fondamentalement ce qu'est le jeu. Ils ont changé les sprites, la vitesse, non, les vaisseaux. Il est en train de nous montrer. Pas la vitesse, parce que lui, on le dira. Non, mais... non, mais le massacre, il est superficiel, parce qu'en vrai, le jeu lui-même, le cœur du jeu, n'a pas changé du tout. Ce qui a changé, c'est tout ce qui c'est est petit détail autour. Mmh. Voilà. Ah, voilà. Oui, non, parce que quand tu es dans le jeu, je te garantis que tu oublies vite tout ça. Donc, LST, c'est quoi en termes de système de jeu? C'est très simple et très compliqué à la fois. Vous avez 8 armes différentes, symbolisées par un chiffre et 3 lettres qui sont censées vous évoquer, mais avec en plus accueillies par une digite vocale qui permet de bien savoir ce dont il s'agit. Donc, entre autres, vous avez du tir tout droit idiot, vous avez du tir à tête chercheuse, pas forcément très efficace, mais qui va partout rapidement, vous avez du tir directionnel extrêmement puissant, mais qui peut aller que dans une seule direction, vous avez des missiles à tête chercheuse, bref, avec 7 armes, vous avez déjà beaucoup d'options. Vous ajoutez à ça que chacune des 8 armes a 6 niveaux de puissance différents. Et vous ajoutez à cela 2 modes de fonctionnement différents de votre arme si vous appuyez sur le bouton R de la manette en fonction de si vous appuyez ou pas dessus. Vous avez, pour le premier tir par exemple, vous restez sur du tir tout droit en éventail. Si vous appuyez sur le bouton R, vous allez avoir hop, un tir en croix tout autoir du vaisseau. Vous rappuyez encore une fois, vous allez avoir des tirs devant réduits, mais vous allez tirer plus de tirs vers l'arrière. Et chacun des tirs comme ça a des variations. Donc au total, 8 tirs fois 6 niveaux de puissance multipliés par plusieurs variations en fonction des armes. Donc c'est le vrai. Panel d'armes est énorme. Voilà. Moi, mon préféré, c'est la 4. Voilà. Moi aussi, c'est les missiles, quoi. Non, la 4, c'est celle qui a les 3 boules de puissance très puissantes qui se bloquent en appuyant sur le bouton R missiles, en fonction de ta... C'est la 5. La 5. Bah, moi, ouais. C'est la 5. Voilà. Et donc, ça donne... Et le jeu donc, se déroule comme ça, sur des niveaux qui ont un rythme très lent. Alors ça, c'est très particulier. Les autres LST ont tendance à être assez nerveux. C'est un jeu qui est très calme au niveau de le déroulement, au niveau du défilement du scrolling. C'est un jeu qui va prendre son temps, prendre le temps d'amener les choses, les ennemis, des niveaux qui vont être très longs, des compositions musicales extrêmement particulières mais qui m'ont beaucoup marqué, qui sont à des années-lumière de tout ce qu'on peut attendre d'un shoot'em up, c'est-à-dire vous n'allez pas du tout trouver des choses méchantes, rock, vénère, tout ça, mais plus des compositions des fois élevées, un peu jazzy, un peu électro, qui juste, on se demande même pourquoi elles sont là au départ, alors qu'en vrai, ça va vachement bien avec le jeu. Et surtout, une des choses qui fait que le jeu m'a beaucoup marqué à l'époque, c'est que c'est, comme beaucoup de jeux Super Nintendo à l'époque, une putain de démonstration technique de ce que la Super Nintendo est capable de faire en termes d'effets graphiques. Totalement. T'as tout, ils ont tout mis dedans. Les déformations, les zooms, les rotations, tout y est. Les sprites, certains sprites sont énormes, et donc au point où le jeu apparaît donc dans la fameuse cassette vidéo de présentation de la c'est Super comme, Nintendo. C'est comme ça que je l'ai découvert, et c'est comme ça que j'ai voulu absolument y jouer. Je pense comme beaucoup de gens à notre époque. Hein. Parce que le coup de la planète qui zoome, qui dézoome. Oui. Et donc, c'est voilà, je trouve, hein, en termes de difficulté, shoot'em up, pour moi, c'est un jeu qui est tout à fait accessible, même encore aujourd'hui. même pour des néophytes, on n'est pas même dans la punitivité d'un Moucha par exemple ou d'un robot LST qui va être bien plus difficile dans les doigts. C'est vraiment un épisode à part, même dans cette série qui est déjà à part elle-même, puisque je pense qu'il n'y a aucun épisode qui ressemble vraiment à l'autre. Et ça reste un de mes meilleurs souvenirs Super Nintendo, un des jeux qui m'a tellement marqué, auquel j'ai tellement joué, que ça fait partie des jeux Super Nintendo où quand j'y rejoue aujourd'hui, je sais que je vais aller au bout. Et quand t'arrives à refinir un jeu en mode, je sais pas, c'est naturel pour toi, genre comme faire du vélo, tu te dis, j'ai dû y jouer pas mal quand même. Et, ah, mais ça reste mon shoot préféré de tous les temps aussi. Une petite chose à noter par rapport au respawn du vaisseau, parce que c'est important dans le système de jeu aussi. Vous avez des vaisseaux, des vies supplémentaires blanches et des vies supplémentaires jaunes. Tant qu'il vous reste des vies supplémentaires jaunes, vous réapparaissez à l'endroit exact où vous décédez avec l'arme au niveau plus faible possible. À partir du moment où vous passez sur les vaisseaux blancs, vous mourrez et vous recommencez le niveau au début. Ça veut dire que le but du jeu, ça va être aussi, si vous mourrez, de gérer les vies et d'arriver à trouver les bonus pour continuer à avoir ces vaisseaux jaunes pour éviter d'avoir à recommencer un niveau depuis le début. Ce qui laisse évidemment plus de souplesse encore au gameplay et au système de jeu global. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez voir quelqu'un qui joue très bien à Super Aleste, qui connaît le jeu par cœur, il faut aller voir sur la chaîne YouTube de Boss et Yass. Mmh. Et Yass est, je pense, un des meilleurs joueurs de Super Aleste qui existe. Il a fait le jeu sous toutes les coutures avec One Life. T'sais. D'accord. Donc il faut aller voir. Yass, c'est un grand, grand fan de Super Aleste et de Compile en général. Pas cool. J'ai à voir ça. Je pense qu'il joue mieux que moi. Ça sera un plaisir à regarder. Après... Non, mais Yass, c'est un speedrunner, c'est un tueur. il est loin. Il est très, très loin. C'est un... Petit détail que seuls les joueurs du jeu connaissent. Lorsque vous lancez le jeu, la ROM de base, la ROM. Le jeu Super Nintendo de base, parce que les ROM ne retournent plus. Le jeu se lance avec le son en mono. Il faut forcément aller dans le menu pour le passer en stéréo. Ah, comme dans Kekon Country 2. Si vous lancez le jeu comme ça, il se lance en mono. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que le jeu, la vitesse, elle est optimisée, en fait. Sur la version européenne ? Oui. Oui. Chose qui n'était pas commune à l'époque, mais... Voilà. C'est... Il fait partie de ces jeux auxquels vous pouvez jouer à la version européenne. Ah, il fait partie de ces jeux, d'ailleurs, il est en loose, il ne vous coûtera pas des 100 et des 1000. C'est à partir du moment où on le veut complet, où on va commencer à taper dans les 50, 60, 70 euros. Non, même en loose, il a augmenté. Ah ouais, en loose aussi, Super LS, c'est un jeu maintenant qui est difficile à avoir un prix relativement correct, même en loose. C'est il a pris, je sais pas pourquoi. J'en trouve à 35 balles, 30 balles en loose. Après, faut regarder si c'est pas de comme d'habitude. Ah bah du ça mode. Après, oui. Comme ça. Mais bon, si vous avez la possibilité de l'acheter et d'y jouer, faites-le parce que ça reste un chef-d'œuvre. Ouais. Merci monsieur Bill. De rien. Non. Tu m'as donné envie d'y rejouer. C'est merde quoi. C'est parti. Allez, là j'ai bien entendu. Je vais y rejouer, j'y joue régulièrement, mais là j'ai. Ah parce que tu l'as toi aussi. Je l'avais ouais, à l'époque. Ah oui. Ah oui, ça fait partie des jeux que je voulais absolument donc. Non mais Bosti qui va télécharger la robe sur Amy Paradise. Qui te dit que je l'ai pas déjà fait. Bah, je te connais. Il y a des jeux comme ça, t'es obligé de les récupérer. C'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Enfin, les LST, j'ai Robo LST, j'ai Moucha sur Mega Drive, j'ai Power Strike sur Master System. C'est comme ça que j'ai découvert la série. Et là, je vais dire la même chose que KD dit récemment. Je recherche toujours un Power Strike 2 Master System. Bon courage. Voilà. qui est un jeu exceptionnel, un shoot'em up exceptionnel sur Master System, mais qui vaut une blinde. Et qui n'est pas le même jeu que GG à l'ST2, parce que les gens ont tendance à le confondre, ce n'est pas le même jeu. Non, voilà. Magic Power Strike sur Master System, le premier était exceptionnel, vraiment. J'ai aussi les LST sur Game Gear, évidemment. Qui est très bien. Ouais. Il est très très bon sur Game Gear aussi. Mais en même temps, c'est à l'ST et Compile, ils ont tué le game du shoot à l'époque. Voilà. Mais oui, merci, ça m'a donné envie de rejouer. Voilà, 23h21, pile à l'heure. Parfait. Comme toujours, je refais, parce que je crois que c'est un running gag, à chaque podcast, il dit Mighty No. 9, moi, à chaque podcast, je vous dis, si vous voulez encore plus de précision, allez voir ce Hardcore Gaming 101. Mais merde, j'allais dire pour une fois, j'en ai pas parlé, mais en fait, si. Ah, si, tu l'as dit. Si, je l'ai fait, ouais. Merde, salaud. Ah, et puis, moi, j'ai même pas eu besoin de forcer pour dire Mega Man X cette fois. Bon, ouais. J'ai juste pas pu parler des Everdrive pour lire les ROM d'Emu Paradise, mais bon, voilà. Et Pell, il a perdu la boule, donc tout va bien. Hein. Tout à l'heure, il se n'est plus Minish Cap et puis les Zelda Game Boy. Donc, bah, il a pas parlé de Galgun. Ah, ouais. J'en parle jamais, tu vois. Dans vos têtes, là. Cela dit, je crois que c'est souvent nous qui en parlons pour lui. Non, c'est pas vrai. Je confirme. Sur ce, on va aller coucher les enfants. Nous allons remercier notre auditoire de nous avoir audité. Merci au chat d'avoir participé, d'avoir été là. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Ah, mais il a mieux dit quoi, le chat. Et rendez-vous dans un autre monde, dans une autre vie. Et à bientôt pour un nouveau podcast. Alors, on ne sait pas quand, on ne sait pas où, on ne sait pas de quoi on va parler. Mais... On parlera de Street Fighter 5 pour faire plaisir à Ecoban. Oula. Niveau bah, date. Remarque, la semaine prochaine, il ne faut pas abuser quand même. Je ne sais pas quand, mais le problème, c'est que tel que c'est parti, je sens qu'on va finir par faire une spéciale Spider-Man dans deux semaines. Parce que... Ah ouais, parce que sinon Pell va nous claquer entre les deux. Ouais. Ça va être le podcast de Pell, en fait. C'est ça. Je prends le pouvoir. Il le fera tout seul. Non, je parlerai de Spider-Man sur Game Boy qui est une merde. Voilà. C'est vrai, il est pour. Merci à la prochaine. C'est exactement ça. Et moi, je parlerai de celui sur Atari. Mesdames et messieurs, bonne nuit. Merci à la prochaine. Mesdames, messieurs et autres, bonne nuit. Bonne nuit, les enfants. Des et bisous. À bientôt. À plus. Bonne nuit.